Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bon, mais est-ce que tu as envie de parler de fait? Non. Bon, mais... C'est la chronique, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables où j'enseigne à François des affaires. Des affaires. Des affaires, qu'on dit, François. Parfait. Faut mettre l'accent à bonne place, c'est un accent tonique. C'est un accent tonique. Ça fait ça aussi. Commençons avec les différentes sections de la langue. Est-ce que t'as entendu parler? T'as peut-être vu un diagramme à un moment donné dans ta vie montrant, disons, les aliments qui sont sûrs, surettes, ou ceux qui sont salés, ceux qui sont sucrés, que différents endroits de la langue goûtent ça. Non, bon. Non. C'est une rumeur et un mythe. Ce n'est pas vrai du tout. Les différentes sections de la langue ne détectent pas différents types de goûts. Ils peuvent toutes, ces papilles-là, détecter tous les types de nourriture. Donc, c'est un mythe qui a été proliféré sur Internet, entre autres. Donc, ce qui est comme... dis-moi des affaires qu'on pourrait entendre, par exemple. Quelque chose qui est surette, sucré, salé. Y en a-tu d'autres? Il y en a comme 5 en tout. Sucré. Ouais. Salé. Salé. Amer, amer. Amer. Surette. Et puis un autre. Alors, bref, 10 000 papilles gustatives qui sont toutes identiques dans votre bouche et chacune contient entre 50 et 100 cellules réceptrices spécialisées. Donc, chacune avec un truc qui détecte chacune de ces 5 sortes de saveurs-là, si on veut. Bref, c'est des genres de petits poils à l'intérieur de ces papilles gustatives-là qui sont programmés pour répondre à un de ces 5 goûts. Quand le poil est stimulé, ça envoie une impulsion au cerveau. Voilà. Eh bien, je savais pas ça. Tu connais le film Là-haut, Hop? Là-haut, Hop, non. Le film de Pixar. Non. Hop, celui avec le vieux monsieur, sa maison qui s'envole avec des ballons, non? Non. Il y a quelques années, non? Bref, les gens chez Pixar ont calculé que dans la réalité, ça prendrait 26,5 millions de ballons pour soulever une maison comme celle dans le film Hop. Par contre, dans le film, 10 297 ballons ont été utilisés pour lever la maison. Hein? C'était assez? Ça a été bizarre, des millions de ballons. Est-ce que tu connais le jeu Chubby Bunny? Non. Je vais te l'expliquer. C'est un jeu où tu mets des guimauves dans ta bouche et tu essaies de dire la phrase Chubby Bunny. C'est simple. Là, tu rajoutes... si tu réussis, tu mets une autre guimauve dans ta bouche. Bon, Chubby Bunny, tu mets une autre guimauve. T'as aussi longtemps que tu es capable de le dire. Si t'es pas capable, par contre, t'es éliminé. Et ça continue jusqu'à ce que les participants soient surchargés de guimauves dans leur bouche. Et là, c'est super drôle. Ha, ha, ha. Tout le monde rit. Par contre, ce jeu-là a fait des victimes. 2 personnes sont mortes en jouant à Chubby Bunny. Casey Fish, 12 ans, de l'Illinois, a suffoqué en jouant à ce jeu-là avec des collègues de classe en 1999. Alors qu'en 2006, la même chose est arrivée de nouveau, cette fois-ci à Janet Rudd, une femme de 32 ans quand même, qui jouait à une foire de Londres en Ontario. London, excuse-moi, il faut dire London. London en Ontario. 2 personnes, Chubby Bunny. Il y en a peut-être plus, là, ça c'est celle qu'on ouais, sait. Ouais, là. C'est ça exactement. La vie est un sport dangereux. La guimauve est une chose dangereuse aussi. Savais-tu que la Mona Lisa, tu connais Mona Lisa? Oui. Bon. Avait des sourcils et des cils à l'origine. Un ingénieur français a découvert ses sourcils manquants en analysant la peinture avec une caméra haute définition fabriquée spécialement, ben, peut-être pas pour ça, mais en tout cas pour ce genre de choses-là, pour trouver des trucs comme ça. La caméra a pris une photo à super haute résolution de 150 000 points par pouce. Quelque chose de genre, point dots per square inch, là. Point par pouce carré. Il a découvert un seul poil peint par un seul coup de pinceau. L'ingénieur dit qu'il y a moins de craques autour des yeux de Mona, ce qui pourrait indiquer qu'il y a eu des altérations, des genres de modifications faites par quelqu'un qui travaillait au musée à un certain point. Voilà. Donc, en regardant de très très près, ça révèle aussi que la main gauche de la Mona Lisa était dans une position différente à l'origine. Ce serait apparemment à cause d'une serviette de cuisse, une serviette que tu mets sur tes cuisses quand tu manges, qui était dans la toile à l'origine, mais qui a été enlevée. Comment tu vas enlever ça? Tu as repeint ça par-dessus? Ouais, c'est ça, j'imagine. Étrange, hein? Mmh. Donc, il y a eu des modifications à la Mona Lisa. Eh bien... allons-y avec quelques petits faits rapides. On dit que c'était apparemment très, très difficile de déterminer le sexe d'un papillon en examinant son appareil génital. Très difficile. Ah. Tu peux pas savoir. Comme ça, en tout cas. On dit que plus de la moitié des buffles, c'est comme ça qu'on dit ça, des buffles? Buffalo? Ouais, des bœufs. Des bœufs? Ouais. Comme ça, je te fais confiance. Ouais, je pense que oui. Vivent en Inde, il y a la moitié de ceux-là. Voilà. Les buffalo, là, qui vivent en Inde. Ça, fait intéressant, on parlait du Super Bowl plus tôt dans l'émission. Tu connais le film Social Network avec Jesse Eisenberg? Ouais, je l'ai pas vu, par exemple. Non, moi non plus. Okay. Mais sa sœur, d'accord? C'est l'ancienne porte-parole de Pepsi, Ali Eisenberg. Tu te rappelles toutes les pubs de Pepsi avec une petite fille dedans avec les cheveux bouclés? Non. Donc, la petite fille avec les cheveux bouclés dans les annonces de Pepsi, c'est la sœur du gars dans Social Network. Bon, c'est pas. Il nous en reste un dernier, tiens. La police à Tokyo a attrapé un homme qui gardait les os de sa mère dans son sac à dos pendant 9 ans. Oh. C'est vrai, en 2010, la police à Tokyo faisait enquête sur une personne, dans le fond, introuvable. Et ils ont découvert qu'elle était morte depuis 2001. Le fils de la femme de 64 ans gardait les restants de sa mère dans son sac à dos en tout temps. À la place de faire une funéraille, ce qu'il ne pouvait pas se permettre, son fils a mis le corps dans le bain, l'a lavé, a défait les os et a mis ça dans le sac à dos. Aïe! Ouais, je sais pas, là. Aïe! Incroyable. Donc, l'homme est sous enquête pour dommage criminel à un corps humain et aussi pour avoir reçu une pension illégalement parce que la femme était considérée toujours en vie et son fils ramassait les 150 000 yens qu'il lui était donné par année pour célébrer sa longévité. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que ça veut sûrement que là-bas, quand tu vis vieux, tu as tout ça de l'argent. Ben comme ici, là. La pension, ça doit être ça. 64 ans, je trouvais ça jeune, mais non. Pas si jeune que ça, finalement. Les autorités au Japon enquêtent sur les gens qu'on a, les centenaires, finalement les gens qui vivent au-dessus de 100 ans pour s'assurer qu'ils sont toujours en vie parce que apparemment que ils découvrent que la plupart ne le sont pas vivants. Même si apparemment que j'utilise le mot apparemment beaucoup trop souvent. C'est ce qu'ils disent. J'entends c'est ce qu'ils disent. À Tokyo, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué dans l'article. Voilà pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses, de façon très bizarre. Oui. Tu m'as fait penser quand t'as parlé, du jeune homme qui traînait les os. Ouais, c'est ça exactement. J'ai écouté à Canal D cette semaine, vendredi soir pour être plus précis. L'histoire à quelle heure? 9h, si je me souviens bien. L'histoire d'Alain Piché, est-ce que ça dit quelque chose? Non. C'est l'homme qui a tué ses deux parents et qui les a mis dans le congélateur. Il se met au Cap de la Madeleine. Dans la région, oui. Dans le cadre de l'émission, un tueur si proche, c'était excellent. C'est bon, cette émission-là. Oh, ouais, tout à fait. En plus, c'était au Cap de la Madeleine, donc on avait des repères au niveau... Les rues et tout. Oui, c'est ça exactement. Et puis, il a fait son bac ici à l'UQTR et blablabla. Donc, c'était fort intéressant. Je pense que ça va être en reprise. Là. Par exemple, il faudrait visiter le Canal D. Le site du Canal D pour... ouais, c'est ça exactement. Je pense que je suis pas assez rapide pour voir exactement ça repasse quand, mais je le suggère à tout le monde. Oh non, j'ai pas cliqué sur tout à fait, François. T'es-tu dessus? Je pensais y arriver moi aussi, mais apparemment qu'on est tous les deux passés vite. Attends un peu. Là, je suis dessus, mais... tu vois, c'est proche 16h aujourd'hui. Alain Piché, ça joue lundi 7 février à 16h. Ça rejoue demain, mardi à midi, et puis à 2h du matin. Mercredi à 22h et vendredi à 8h du matin. Bon. Allez voir sur canadé.com, cliquez sur émission. Un tueur si proche, c'est cliquer sur l'épisode précédent. Et vous l'aurez. Alain Piché. Alain Piché. Ça vaut la peine. Aïe aïe. C'est le seul mot que j'ai à dire. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On va aller tout de suite avec des nouvelles de la plus haute importance. Eh bien, c'est une jeune femme qui guérit son addiction au savon. Eh bien oui, une jeune adolescente de 19 ans qui était accro au savon. Elle s'appelle Tempest Anderson. Elle souffre d'une pathologie très rare appelée la pica, qui consiste à ingérer des substances non nutritives comme du sable, de la peinture ou du savon. Cette jeune Américaine pouvait manger jusqu'à 5 savons par semaine et de la lessive oui, en poudre. Donc, elle se souvient que la première fois qu'elle a plongé ses doigts dans la lessive en poudre, elle déclare, la jeune adolescente, elle dit qu'elle a déposé la lessive sur le bout de sa langue et son goût était si doux et salé à la fois. C'était si bon. Elle a aimé tout de suite. Elle s'est mise à en manger. La jeune fille savait bien que son attitude était dangereuse, mais elle s'en moquait. Elle a ensuite commencé à lécher les bulles de savon puis à manger des savons entiers. Elle dit qu'elle aime la sensation de propreté que cela lui procure. Manger du savon rend tellement plus propre que de se laver simplement avec. OK. Après 6 mois de ce régime, elle a finalement décidé de consulter un médecin spécialiste dans les syndromes de PICA, le docteur Barton Blinder. Il lui a expliqué que cela pouvait mettre ses jours, bien sûr, en danger. Pas seulement à cause des produits toxiques et indigestes contenus dans le savon, mais aussi à cause de l'acidité issue du savon qui pouvait se retrouver dans le sang. Les psychologues ont expliqué l'addiction de la jeune fille en raison du stress de son incapacité à le gérer autrement. Après 6 mois de cure, elle se sent aujourd'hui définitivement débarrassée de son addiction et peut parfaitement rester seule en gérant son stress sans manger le moindre gramme de savon ou de détergent. Bien oui, un peu, il y en avait en Europe de l'Est hein, qui mangeait du sable. C'était un peu le même, finalement, le même problème, mais la madame n'a jamais réglé vraiment son problème, était rendue très âgée. Sur ce, allez voir peut-être PICA, syndrome PICA sur YouTube. Vous allez trouver des trucs assez étranges. Parlant étrange et parlant Internet, eh bien, je vous invite déjà à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. On va demander comment faire, les enfants. Et ensuite, on clique sur le dîner-con. Quoi? On clique sur le dîner-con. Et ça mène où tout ça? Sur la page Facebook du dîner-con. Ben merci les enfants, parce que si on se rend déjà sur la page, eh bien il y a un lien un lien vers le site qui s'appelle Go Barbara, donc qui nous aide à customiser, donc à personnaliser la pièce Barbara Streisand de Doc Sauce. Vous rappelez ce succès qui a même ici sur les ondes du 89.1 fait la pub pour le carnaval étudiant. Eh bien on va aller écouter pour le fun. J'ai essayé le truc pour vous. On va voir si ça fonctionne. Oh! On écoute la pièce Barbara Streisand, et là, c'est la pièce Danny Janvier. Danny Janvier. Oh, yeah! Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Donc, Doc Sauce, bien sûr, groupe composé de 2 artistes, Armin Van Helden et E-Track. Le duo américain-canadien a signé avec le label Fool Gold Records. Et se fait connaître avec son premier titre, Anyway. Et puis en 2010, ils sortent le tube Disco House, Barbara Streisand. Et la chanson devient alors numéro 1 un peu partout. Belgique, Finlande, France, Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne, etc. Donc, cette chanson a tellement marqué le monde durant la fin de l'année 2010 qu'un site Internet vous permet aujourd'hui d'adapter le titre à votre prénom. Écoutez bien, on va aller voir. Eh bien oui. Donc, on fait juste inscrire notre nom dans une petite case appropriée. Et puis, on fait play. Et puis, on fait la même pièce, finalement. Mais avec notre superbe prénom ou avec n'importe quelle niaiserie qu'on peut lui faire dire. Eh bien, là, ça, il disait Danny Janvier. C'était extraordinaire. Donc, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de cons pour en profiter, vous aussi. Maintenant, on y va avec une dernière petite nouvelle avant de poursuivre en musique. Eh bien, c'est un homme assassiné avec une motte de beurre. Eh bien, oui. Et puis, vous ne serez pas surpris quand vous allez voir où tout cela se passe. C'est la semaine dernière, dans le sud de la Sicile que ça se passe. C'est un crime qui devait être parfait et ne laisser aucune trace, car l'arme du crime devait fondre et disparaître. En effet, un couple d'Italiens a tué un homme en entravant ses voies respiratoires à l'aide d'une motte de beurre. Le 2 février, Colaghero La Coco souhaitait rendre visite à son ex-femme et à son compagnon. Leur maison étant située dans le sud de la Sicile. Plus tard, le couple avait appelé la police, expliquant que l'homme s'était présenté ivre au domicile et qu'il les avait menacés. Les deux complices avaient alors ligoté le forcené avant qu'il ne s'évanouisse. Seulement, ils n'avaient pas prévu que l'autopsie révélerait l'arme du crime, une grosse motte de beurre. À noter que c'était la première fois depuis son divorce que la victime se présentait chez son ex-femme, qui n'est autre que son ancien domicile, bien sûr. Le couple, lui, a été placé en détention en attendant son jugement. Donc, meurtre à coups de motte de beurre. Ça se passe, bien sûr, en Sicile. Hein? Non, on veut pas rien dire. On n'est pas raciste. C'est pas des stéréotypes du tout. Mais bon, ça se passe là quand même. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. assemblage requis. Vous êtes tannant. Non, François, fais pas ça. François, ne niaise pas Stéphanie comme ça, sinon c'est dans ta chambre. OK. Bon. Merci, Mathieu. Fait plaisir de te sortir de ça. Bon. Stéphanie Gagné qui est avec nous encore une fois. Et maintenant, voici sa chronique, ton plat favori. Je suis ton plat favori. Bonjour Stéphanie! Bonjour Mathieu! Je pourrais regarder mon sérieux avec François qui me regarde comme ça. Mais François, il est fatigué un matin. Bonjour madame! T'es pas un cadeau! Tu fais comme les boîtes de céréales, là, quand moi avec mon frère, en fait, on mettait tout le temps une boîte de céréales entre et puis. Ouais, pour faire un mur, là. Ouais. Pour pas qu'on se voie. Ben j'avoue, faites ça parce que là, ils sont un à côté de l'autre devant moi, c'est comme un triangle, c'est vraiment stressant de les voir aller, là. Comme les petits oiseaux. C'est parce que j'ai tellement appris de choses. Ouais, ben. François! De moments croustillants. Ça va faire. Stéphanie Gagné, coup de cœur du moment. Qu'est-ce que c'est ton coup de cœur? Là? Dis-moi là, je suis fébrile de le savoir. Ça serait plus pratique si mon portable se mettrait à fonctionner. Mais on est rempli de behind the scenes exclusives. Ouais, vraiment. Ce matin. Ouais, c'est ça. Donc, les Francouvertes commencent aujourd'hui même. No. C'est du 7 février au 3 mai. Oui! Et je voulais vous parler de ça un peu, de la 15e édition des Francouvertes. Vous savez, les Francouvertes, ça inclut pas mal de groupes qu'on fait jouer ici. Puis il y a beaucoup de groupes qui ont été connus, pas nécessairement qui ont gagné, mais qui ont été connus. Loco Locas, La Panthère Rose, Ariel, Bernard Alamus, Alex Nevsky. Il y a vraiment plein d'excellents groupes, d'excellents artistes qui ont été connus grâce à ce concours-là. Et cette année, porte-parole, c'est Marie-Pierre Arthur et La Panthère Rose. Et il y a deux porte-paroles, c'est spécial. Deux porte-paroles. Ouais, moi aussi, je trouve ça. C'est comme, t'es pas un assez grand porte-parole. Il y en a un groupe en plus. C'est ça. Fait qu'il y a comme cinq personnes. C'est comme dire à l'autre, t'es pas assez. Ouais. Faut plus que juste toi pour être notre porte-parole. Enfin, bref. Ouais. Je t'en avais parlé un peu dans la chronique Guess What. J'avais nommé les groupes, mais il y en a juste un que je connaissais. C'est Auguste, ouais. Qui a fait les Mardis la relève l'année passée. Mais j'ai connu d'autres groupes grâce au Culture Club. J'ai un blog que je suis à tous les jours. Et il y a eu un article sur les Francouvertes. Et j'ai connu des groupes excellents. Et le premier que je vais vous faire écouter, c'est Les Incendiaires. Un groupe très Brit Rock, très naïf, très romantique. C'est bien cute. Moi, j'aime bien ça. On les écoute avec la pièce Amant d'immeuble. Exactement. Amant d'immeuble? Amant d'immeuble. Oui. Assemblage requis dans la chronique Ton plat favori. Miroir en éclat, faisceau Les Incendiaires avec Amant d'immeuble. Le clip est vraiment bien. Il joue avec de faux instruments en carton. C'est cool. Oui, puis il y a une fille qui danse avec une tête de chat. Oui. Avec une tête de chat? Oui. Puis elle joue à la psychologue aussi. C'est bien drôle. Mm-hmm. Avec la tête de chat? Mais la tête de chat sur sa tête. Ah. Une immense tête de chat. Comme une mascotte, là, Super Bowl. Mais elle a juste la tête. Ouais. Bon, donc c'est ça, c'était Les Incendiaires. Oui, bon. Exactement. Un groupe qui va participer au Francouverte. Allez voir francouverte.com pour voir quelle date qu'il joue. Groupe excellent. Ça me fait penser un peu à Chinatown, mais on dirait qu'il y a un petit plus que j'aime. Mm-hmm. J'aime c'est bien. Très ça. Bon. Très, très bon. On va en entendre parler pas mal, j'imagine, ça, les Incendiaires. Probablement, d'après moi, ils vont se rendre loin. Ouais. T'as un deuxième choix pour nous aujourd'hui, Cardinal. Oui, j'aime un petit peu moins que Les Incendiaires, mais c'est vraiment un tout autre style. C'est vraiment plus tranquille, un petit peu plus du style Monogrenade, le groupe Feu Éléphantine. Oui. Ça ressemble un petit peu plus à ça. C'est très tranquille. C'est ça. Donc, on va en entendre une courte pièce de Cardinal. C'est Une fin heureuse. Assemblage requis dans le blog Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Si on y croit, rêvera au jour suivant, ou s'il requiert, le faudra. Cardinal avec la pièce Une fin heureuse, Cardinal, qui fait partie des Francouvertes. Oui! Et c'est ton plat favori. Oui, exactement. Oui, un de tes deux plats favoris, t'avais deux bols. Ou un bol avec deux compartiments, ça dépend. Oui, moi je dirais plus un bol avec deux compartiments. Oui, ben c'est les Francouvertes avec deux gros. Il faut que t'aies les fentes dans le couvert aussi pour que ça matche avec les compartiments, parce que sinon ça se transverse un peu dans l'autre quand tu tapes ta boîte à lunch, mettons. Fatiguant, ça. Oui. Vraiment déplaisant, ouais. La moutarde, surtout. Hein, bon. Maintenant, c'est mon dessert après ton plat favori, Stéphanie. Oui, moi, je suis allé très, très simple aujourd'hui. Je ne vais pas chercher le bol longtemps, là, mais c'est que cette semaine, je me suis procuré les précédents albums de Tokyo Police Club. Pour vrai? Oui, je ne les ai jamais écoutés. Ils sont très, très, très bons. Alison in Crime et puis Elephant Shell. Il y a aussi deux maxi, Smith comment ça s'appelle, là? Your English is Good, Sweet and Sarcom, ça c'est un single. En tout cas, bref, toute la collection de Tokyo Police Club, je l'ai écouté, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et je t'en fais entendre une pièce juste pour piquer ta curiosité, pour que tu te les procures toi aussi. C'est fin, hein? Tellement. C'est tellement fin. Voici In a Cave tout de suite au 89 FM dans ton plat favori. Et après ça, ben, les crudités de François-Olivier. Le repas sera complet. Pas de salade ici, par exemple, parce que ça empêche le gras de se rendre au... C'est le Cave de Tokyo Police Club sur leur album LF & Shell. Je te mets dans mes dates tantôt juste pour m'apprendre. Je sais que c'est vraiment pas important. Mais Champ, l'album le plus récent, date de juin 2010. Avant ça, l'autre album, c'était LF & Shell en avril 2008. Il y a eu deux maxi, A Lesson in Crime en 2007 et Smith aussi en 2007. Voilà. Et c'est tout très bon, ça. Tout très bon. Très bon. Très court, des fois, les pièces, mais très, très bon. Ouais, t'es pas longue, hein? Non. Ouais. Des fois, c'est difficile, ça. Les pièces trop courtes, là, ça m'énerve. Ça fait juste teaser. Mais tu l'écoutes deux, trois fois, puis c'est correct. Je pense à autre chose. Ça, c'était mon dessert en réponse au plat favori de Stéphanie Gagné. Il nous reste les crudités pour accompagner ça. Oui, crudités. Écoute, j'ai été pour une pièce, en fait, que j'entends pas souvent. Freddie Madball, qui est le chanteur de Madball, groupe hardcore new-yorkais, qui ça fait déjà une couple d'années, en fait, que ça roule. Et puis, mais là, c'est vraiment pas du hardcore. C'est plus rap. Mais avec un featuring de Rancid, ouais. Groupe punk, donc un drôle de mélange, mais ça sonne bien. La pièce s'intitule London Calling. Est-ce que c'est une reprise de London Calling? Ouais. London Calling. Ouais. Ouais. Mais en fait, dès le début, vous allez la reconnaître. Ok, bon, ben on l'écoute. Alors, London Calling de Freddie Madball. Here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. London's calling, I'ma answer this. Pump fist in the air with the mic, I'm swift. Crash the crate, no, I can't lose this. Opportunities like this, I don't miss. Paul gave the call, so I came to spit. I'm fit like a boxer, I came with hits. I'm sick like a bad batch of fish and chips. Get ready for me, London, I'm on some shit. London calling, to a faraway town. From Britain to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Two turns the news and they got confused. They only They know me from the hardcore school. Fools in the dick, I don't have the tools. I grind so made for paying my dues. Like streets in the business, from a two. Like Seth of the Sabbath, the style is new. From the rotten apple, I ain't got any hoop. But I'm vicious like Sid with an attitude. London calling to a faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Slick Rick, the ruler, he taught me this, along with many others that are on my list. I'm a student of the music, but a graduate of the school of hard knocks, and you handle it. Cheeky motherfuckers are scandalous. We stand up like Dave Courtney is. Guinness in hand with a Dorius. Stress shot this up quite glorious. If you're curious, this is how the story goes. Furious, this is how I spit flows from the first show. This is how it's gonna go, out of control, like mad cattle. Hood in battles, heads rattle. West Ham, Millwall, hot in the shadow. From the Bobby Cop, heavy like gravel. My rep travels. Let's travel. Come on. London calling to a faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. Come on. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Come on. To the faraway towns. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Come on. London calling to a faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Freddie Madball avec la pièce London Calling, featuring Rancid. C'est bizarre à dire, featuring Rancid. En effet, très. Eh bien, vous avez un repas varié aujourd'hui. Ouais, ouais, tout à fait. Les cinq groupes de l'alimentaire, là. Hein? Avec les trois fuckés. C'est ça. Donc, le plat favori, les desserts et puis les crudités. Voilà. Merci, Steph. De rien, Mathieu. Merci, et François. Ouais. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci, François. Merci, Steph. Merci, merci Steph. Oh, vous êtes plates. Vous êtes plates. Oh, on est si plates. Autre chose à dire? D'autres non, spins, moi, des petits insides, des blagues que personne ne comprend. Non, pousse-le pas. Pousse-le pas, il va se mettre déblatérer. J'ai rien à dire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Une femme découvre que le Nutella est gras et sucré et elle dépose une plainte. Mais madame, est-ce que vous venez d'arriver sur la planète? Êtes-vous un extraterrestre? Vous le saviez pas? Non, en tout cas, c'est une mère de famille californienne qui vient de déposer une plainte pour publicité mensongère contre le chocolatier qui fabrique le Nutella. C'est drôle parce que moi, ça fait des années que je trouve que la publicité est mensongère, et puis il y en a une qui se réveille. En tout cas, hein? Elle vient d'apprendre que le Nutella était rempli de graisse saturée et de sucre. Elle reproche que dans la publicité, on voit une mère de famille avec ses enfants, ravie de manger cette fameuse pâte à tartinade. Donc, c'est le tribunal de San Diego qui a enregistré la plainte. Cette mère de famille a 4 enfants et veut faire interdire sur les étiquettes les mots suivants. Bon pour la santé, équilibré, aidant les mamans à nourrir leurs enfants, de céréales complètes, etc. Ou encore un exemple de petit déjeuner équilibré, savoureux, parfait. Elle veut également obliger le groupe Ferrero, fabricant de la marque, à une campagne de publicité corrective, donc pour nous apprendre qu'est-ce qu'il y a véritablement dans le Nutella. Madame Hohenberg, qui a déposé cette plainte, souhaite que tous les consommateurs de Nutella depuis 2000 se joignent à elle afin de transformer la procédure en plainte collective. Donc, elle a quelque chose contre le Nutella. Moi, je dirais, madame, peut-être arrêter d'en acheter ou peut-être vous informer, lire les étiquettes, parce que la publicité... C'est presque... comment qu'on pourrait dire ça? C'est comme dire monter en haut, hein? C'est un pléonasme. La publicité, ça nous vend du rêve. Ça nous vend des trucs qui n'existent pas nécessairement. Si vous regardez un infopub puis vous voyez des photos avant-après, ben, gars, des fois, c'est même pas le même visage que tu... Madame, en tout cas, c'est le fun que vous nous faisiez part de ça, mais bon, c'est pas une nouvelle... Nouvelle, comme on pourrait dire. En tout cas, on continue. L'homme qui vola 400 milliards et, bien sûr, se fit prendre, c'est triste. Ashley Mitchell, un expert en informatique, un Anglais de 29 ans, a reconnu avoir piraté l'application Zynga Poker sur Facebook. Montant du butin, 400 milliards de jetons, estimés théoriquement à 12 millions de dollars. Théoriquement, car Mitchell a découvert que, à ses dépens, bien sûr, qu'il ne valait pas plus que 30 000 $ une fois sur le marché noir et qu'il n'avait pas été assez malin pour effacer toutes ses traces en sortant des serveurs de Zynga qu'il avait cambriolé. Le pirate en question, justement, Ashley Mitchell, avait avoué son crime devant la cour et risque une peine de prison significative selon les sources interrogées. L'accusation pour étayer son dossier a avancé que même si Mitchell n'avait revendu qu'une partie de son butin à des intermédiaires et que ses jetons pouvaient être générés à volonté par Zynga, les conséquences auraient pu être plus graves si ces actes auraient provoqué la perte de clients pour l'entreprise. Ce n'est néanmoins pas la première fois que Mitchell, entrepreneur en informatique, s'est frotté à la justice pour une affaire de hacking. Donc, la partie civile a rappelé que ce nouveau faux pas était en conflit avec une peine avec sursis de 2008. À l'époque, Mitchell avait forcé les serveurs du site Tor Bay Council pour qui il travaillait afin d'y modifier ses informations personnelles. Donc, Monsieur Mitchell, peut-être on se reprend puis on essaie de faire un meilleur coup la prochaine fois, peut-être. Et puis, on va y aller avec une dernière comme ça, qui est une belle nouvelle. On va rester toujours dans les jeux de hasard. C'est un gagnant de la loto qui achète son entreprise pour sauver ses collègues. Donc, quand même une belle nouvelle. Il y a quelques années, la Française des Jeux faisait la publicité du loto avec un spot montrant un homme ayant racheté son entreprise après avoir gagné tout en gardant son ancien patron. C'est exactement ce qu'a décidé de faire un gagnant de la loto. Vainqueur en septembre dernier de la somme de 10 millions d'euros, ce chauffeur routier a donc racheté sa société en liquidation judiciaire pour éviter que 13 ou 14 gars ne se retrouvent au chômage. Le quinquagénaire a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'entreprise dans laquelle il n'était que simple salarié quelques semaines auparavant. « J'étais le seul repreneur potentiel », explique-t-il. « En plus, le transport, c'est toute ma vie. On ne stoppe pas comme ça du jour au lendemain », explique-t-il au journal. Si son ancien patron occupe aujourd'hui certaines fonctions, il est désormais devenu le PDG de la société. Mais cela n'a pas pour autant changé son comportement avec ses anciens collègues. « Ils savent tous que j'ai été chauffeur comme eux. Les tournées, je les ai faites. » Toutefois, il n'a pas prévenu qu'il ne dépenserait pas tout son argent dans l'aventure. « Si je vois que je perds trop d'argent, j'arrête. » Dans tous les cas, sa décision a déjà marqué l'histoire des gagnants à la loto des jeux, car aucun vainqueur n'avait jusque-là décidé d'acheter l'entreprise pour laquelle il travaillait. Donc, c'est la Française des jeux, l'équivalent de notre Loto Québec. Sur ce, 11h35, et puis je vois arriver quelque chose là comme ça. Qu'est-ce que c'est? Allô, Marc. Prêt? Hey, toi! Ouais? Oui, toi, le coureur! Ah, ouais, embarque! On ira pas vite, t'as pris pas mal! Je vais te donner une chance! Et mon doux, que c'est gentil! Comme je le dis et je le répète depuis le début de ce segment, la chance au coureur, gentil, on le sait pas, on va voir après les résultats sonores. Sur ce, eh bien, bien sûr, je vous rappelle, qu'est-ce qui est la chance au coureur? Eh bien, on donne la chance à un artiste qui n'a pas encore joué sur les ondes du 89.1, eh bien, d'y jouer, mais tout ça sans avoir écouté préalablement le dit artiste. Donc là, ce qu'on reçoit aujourd'hui, ça s'appelle Love Universal. Et Era Jika, ça me semble être de l'électronique, mais je ne sais pas, on n'a pas écouté. Si on veut plus d'informations, eh bien, le Introducing Production. OK, on met myspace.com/Introducing Production. Et puis, la pochette est très belle, une belle œuvre d'art. Et puis, ça me dit rien. La meilleure idée va être d'aller écouter peut-être un petit extrait. Je vous envoie la pièce Ujetsu. On pourrait y aller avec une Tiens, on va y aller avec une pièce que je suis capable de prononcer. On va y aller avec « I Believe ». On écoute ça à l'instant dans la chance aux coureurs. Bien sûr, on est dans le dîner de cons, mais c'est le segment chance aux coureurs. Et puis, si on n'aime pas, soyez pas surpris, ça se pourrait qu'on revienne en onde couper ça. Ou bien, si on aime ça, on pourrait même en remettre une autre. On sait jamais. Sur ça, eh bien, allez-y, bande de Love Universal. On écoute, on écoute, on en profite. La pièce « I Believe » de la formation ou du projet « Love Universal » de Eragica Track. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Est-ce que tu veux chanter? Non. C'est bon? Non. OK! Il est tout le temps peur. La vie est faite de mettre de bois joie. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'il fait trop tard, sans qu'il fait trop tard. Il est tout le temps peur. La vie est faite de mettre de bois joie. Sans qu'il fait trop frais,

L'horoscope avec Monsieur Rémi. Oh, le mystère plane dans le studio de C'est fou. Salut Monsieur Rémi. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Yes, et là, j'espère que tu ne feras pas peur encore aujourd'hui. Moi, j'ai tout le temps peur quand tu repars d'ici. Là. Je me pose des questions. Non, mon but pas de vous faire peur. Mon but plus de vous éclairer une lanterne sur le chemin de l'horoscope. Ah. Et sur cette science exacte qu'est l'horoscope. Oui, oui. D'ailleurs, on m'a confirmé récemment que c'était la nouvelle année du lièvre, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez que la science est tellement exacte que je ne me l'en rappelle même pas. Mais tout de même, c'est les nouvel an chinois ne sont pas les mêmes que les nouvel an chrétiens. Donc on se rappelle même pas de la date du nouvel an chinois. Non, c'est toujours plus facile de retenir un chiffre qu'un mot, qu'un nom ou qu'une Mais sorte d'animal. Parenthèse comme ça, moi je me suis fait un calendrier avec le nouvel an turc, le nouvel an chinois, la Sainte-Patrick, la journée de la femme, toutes les affaires. Puis finalement, j'ai un calendrier de 365 jours avec une fête par jour, une bonne raison de fêter et de boire à chaque jour. Mais tu sais, les chrétiens ont fait la même chose d'ailleurs avec le calendrier chrétien. On a toujours au moins un saint ou deux par jour à fêter. Ben oui. Et il y a des gens qui se contentent que de deux saints tous les jours, toujours les mêmes, mais c'est une autre histoire. Oui. Trêve de plaisanterie sur le verbal, on va aller dans le numérique. Aujourd'hui, je vous parle de numérologie. Alors, évidemment, la numérologie est une des autres sciences qui nous permet de prédire ou simplement d'avoir une bonne opinion sur qui est la personne, vers où la personne va aller. On peut même, grâce à la numérologie, savoir quel métier votre enfant devrait faire. Oh! Alors, je m'adresse à tous les gens qui trippent sur la naissance ou même qui ont un enfant qui est né aujourd'hui même. Alors, les papas très fatigués aujourd'hui qui écoutent la radio dans l'auto et s'en retournent à la maison faire une petite sieste après avoir vécu tout l'accouchement cette nuit. Je vous invite à écouter ceci. Si votre enfant est né aujourd'hui même, donc on est aujourd'hui le 8 février 2011. C'est dur à retenir, février. Février, c'est un mot encore, là. Tu vois, les chiffres, c'est toujours plus facile que les mots pour moi. Alors, le 8 février 2011, ce sera mon exemple concret pour vous parler de numérologie aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se demandent la numérologie, est-ce que c'est vraiment précis? Eh bien, tout comme il y a deux semaines, lorsque j'étais venu vous parler du 13e signe astrologique, dû à la disposition des planètes et l'axe de la Terre, on se demande encore s'il y a réellement 365 jours par année. On sait très bien qu'en réalité, il y en a 365 points... Quelque chose qui va nous donner environ une journée de plus par 4 ans. Alors évidemment, là, le 29 février, c'est comme une numérologie plus complexe, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est très simple, il suffit d'écrire votre date d'anniversaire, donc votre date de naissance. Par exemple, je le fais devant moi ici même avec le 11 du 8e mois, donc 11-08-2011. Alors, on va diviser chacun des... séparer les chiffres du nombre, c'est-à-dire que je vais avoir le 1, le 1, le 0, le 8, le 2, le 0, le 1... Tout en nombre singulier, finalement. Donc, tout en chiffres singuliers, précisément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner la somme totale de tous ces chiffres pour avoir finalement un nombre. Et de ce nombre, on va réadditionner les chiffres pour avoir un chiffre final, qui sera donc un chiffre entre 2 et 12. Parce qu'on garde le 11 et le 12 comme étant des chiffres très importants. OK, le 1... Ah ouais, moi, j'avais entendu dire que 11, c'était 2. Vibration 11-2. Oui, en fait, donc la vibration 11-2 est une vibration différente de la vibration 2 seulement. Alors là, on va faire l'exemple ensemble pour voir, puis on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Je trouve ça génial, les gars. Ben, alors, je trouve ça véritablement fascinant. Ben, je suis content qu'on ait un expert en studio. Ouais, c'est fascinant. J'ai ici avec moi un livre de Dan Millman, Votre chemin de vie, une méthode pour en découvrir le but. Alors, je m'épaule de cet ouvrage scientifique pour pouvoir faire mon travail. Alors, si on reprend le 11-08-2011, alors papa, si ton enfant est né cette nuit, tu as les yeux pleins d'eau encore, triste et heureux à la fois, eh bien, le 1 plus le 1 donne 2. Le plus le 0, ça donne toujours 2. Plus 8, on est rendu à 10. Et 10 plus 2, 12 plus 0, toujours 12 plus 1, 13 plus un autre 1 pour l'année 2011, on est rendu à 14. Alors, on a un somme total de 14 si votre enfant est né aujourd'hui même. Donc, 5. Donc, 1 plus 4, après, avec le 14, donne 5. Donc, la vibration serait un 14-5 ou simplement un 5. Et bon, par exemple, si je fouille dans les archives de Dan Millman... Tu sais, quand tu dis vibration, c'est avant de l'addition finale, finalement, pour obtenir juste le nombre singulier, c'est ça? En fait, c'est qu'on on est toujours au courant, exemple, le 21-3 ou le 12-3 sont des vibrations qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas nécessairement pareilles. Donc, le 21-3 va avoir des relents du 2 et du 1, et le 1 et le 2 ne sont pas dans le même ordre. Parce qu'on sait que le 1, c'est la créativité et la confiance, alors que le 2, c'est la coopération et l'équilibre. Okay. Le 3, quant à lui, sera l'expression, la sensibilité. Mais là, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est le 14-5. Alors, je me dirige tout droit vers le 14-5. Mais là, quand on parle de vibration, là, on parle de l'être vivant là, qui shake. Là. L'énergie. L'énergie. En fait, on parle de l'énergie de la personne. Le flux. Oui, le flux. Oui, oui. Je pensais pas utiliser le flux comme terme en venant au dîner de con. Je savais que ça allait déraper. Ça mais pourrait. Puisqu'on en est là, mais on en est là. Flux, là, FLX. Oui, FLX. Oui, c'est tout à fait la même appellation pour toute autre utilisation du mot. Tous les mots flux. Alors revenons à nos chiffres. Oui. Parce que ce ne sont pas des moutons. Ben non. Mais bien des chiffres, bien qu'on puisse compter les moutons. Ah, tout à fait. Alors le 41.5 et le 14.5 seront très semblables dans leur vibration, donc dans leur personnalité, dans leur façon d'être, d'agir, dans leur but interne, dans leur destin dans la vie. Okay. Évidemment, est-ce que l'année 2000 a changé plein de choses? Parce que c'est des sciences qui ont été plus fortes en 1800 et en 1900, ouais, quelque ouais, chose, ça. Donc au 19e et au 20e siècle. Est-ce que maintenant, au 21e siècle, le 2-0 du début de notre année va nous changer la donne? Je crois que non. Alors, vous allez pouvoir m'en reparler dans une vingtaine d'années lorsque votre enfant sera rendu à l'âge adulte. Et vous aurez des problèmes avec. Et vous aurez des problèmes ou pas avec. Oui. Alors, évidemment, le 14-5, tout comme le 41-5, le 5 est prédominant comme il est la vibration principale. Alors, on va parler avec le 5 de la liberté et de la discipline. Oh. Alors, évidemment, il va falloir gagner un peu de discipline sur cet enfant, mais lui laisser une certaine liberté à la fois. C'est ce que j'en comprends. Mais c'est un peu space, hein? Liberté, discipline. Mais je pense que c'est un peu comme le Gémeaux, tu sais, quand okay. on parle d'astrologie. Ouais, c'est ça. Donc c'est une opposition, une dualité. C'est complexe. Très complexe. Ouais, mais on s'entend, la liberté puis la discipline, c'est des choses qui sont tellement particulières. Tu peux pas donner ces valeurs-là à tous les enfants. Ben non. Ça, tu vas faire des monstres. La liberté, c'est quelque chose à octroyer de façon très, très soigneuse. Merci. Puis la discipline avec les enfants, on s'entend que c'est encore plus spécial, là. C'est loin d'être quelque chose d'universel, là. Ici, on parle de choses très spécifiques, n'est-ce pas? En effet, mais je pense en fait qu'on peut toujours se rappeler le bon vieil adage qui dit « ta liberté s'arrête où celle de l'autre commence ». Ah, c'est si sage. Alors à tous les futurs papas ou les papas qui ont l'enfant qui naît aujourd'hui, la liberté et la discipline sera l'élément principal pour cet enfant ou cet adulte un jour. Par contre, on se rappelle que le 1 est avant le 4, inversement au 41-5. Oui, oui, tout à fait. Alors le 1 et le 4, le 1 sera la créativité et la confiance. Donc votre enfant a sûrement une bonne confiance en sa créativité ou une bonne créativité dans sa confiance. Je ne sais trop comment l'interpréter pour l'instant. Alors que le 4 est de la stabilité et la méthode. Alors moi je suis encore un être complexe finalement parce un que créatif complexe. Mais avec de la méthode, tu sais d'habitude les artistes, ils vont être un peu plus ils sont tous pareils. Non mais un peu plus brouillon, mais lui ça va être quelqu'un de créatif mais en même temps très très méthodique. Assez complexe. Moi, Dani, j'ai ici quelque chose pour éclairer ta lanterne. Écrit en italique, c'est toujours plus... Plus véridique. Plus véridique. Alors, ceux qui se trouvent sur les chemins 41.5 et 14.5, ils sont pour résoudre des questions touchant à l'indépendance, à la stabilité et à l'énergie créatrice. Et pour enfin parvenir à la liberté en s'adonnant à la discipline d'une méthode employée pour atteindre des buts choisis. On dirait un générateur de phrases creuses. Ben, ouais, mais c'est exactement pour ça que je disais que c'est c'était génial. Pas général du tout. Non, mais c'est génial. Mais moi, j'adore ça. Je veux dire, ça nous éclaire, littéralement. Je te dirais que le livre que j'ai dans les mains présentement a au moins 6 pages par vibration. Donc, 6 pages d'informations okay. sur les relations, sur la santé. Bon, par exemple, les individus travaillant le 41-5, parce qu'on dit qu'on les travaille, on travaille avec une énergie. Okay. Donc, on doit tout au long de notre vie cheminer avec cette énergie-là et donc devoir... La combattre. Dealer avec, finalement, un bon Québécois. Donc, les individus côté santé, ils seront dotés d'une vitalité, d'une énergie, d'une soif d'expérience peu commune. Ils auront tendance à courir sans arrêt lorsqu'ils agissent impulsivement. Comme Forrest trop Gump. Loin leur quête d'aventure. Il arrive qu'ils se cassent quelques os. Alors, faire attention à vos enfants en bas âge, peut-être lorsqu'ils se mettent à courir partout dans 1 ou 2 ans, lorsque l'enfant commencera à grimper partout. Faire attention à ses os. Et possiblement que Forrest Gump lui-même était un 41-5 ou un 14-5. Écoute, je ne me rappelle pas la date d'anniversaire de Forrest Gump. Il faudrait faire sa Premièrement, il y a le fait qu'il y avait des problèmes d'ossature quand il était plus jeune au niveau des jambes, mais en plus, il courait. Là. Il courait tout le temps. Je pense qu'on a... un physique ne trompe pas. Et attention, on parle de relations ici. Bien qu'ils se sentent attirés par la famille et la stabilité d'une vie sédentaire, les 41-5 et les 14-5, drôle de nom pour donner un enfant, oui. les moins enracinés ressentent avec au moins autant de force des besoins et désirs contraires. Désir de se faire un grand nombre d'expériences et répulsion à l'égard de toute forme d'engagement. Ouais, ça fait des êtres tiraillés. C'est des êtres très tiraillés. Imagines-tu si en plus ça donne qu'il tombe Gémeaux, tu sais, là, il est comme fait... Fucked up. Toute sa numérologie et son horoscope se confrontent. Oui. Mais par contre, j'ai avec moi quelques personnalités connues de l'histoire célèbres qui, eux-mêmes, ont été des 14-5. On pense à des 14-5 comme Clark Gable. Ah, je ne connais pas. C'est une personnalité connue. Et... J'adore. Et on pense oui, aussi... c'est vrai. Et on pense aussi... Tout le monde le connaît. Oui, ben, je me rappelle bien lui. Ben je, oui. Je l'ai vu sur YouTube l'autre jour. Je vais aller Wikipédia ça très bientôt. Oui, et oui. Aussi Thomas Wolfe. Ben oui. C'est sûrement un des arrières petits. Moi, je connaissais son frère. Son frère, OK. Ah, ouais. Tout à même. Il joue pas, le, il était dans un band, lui. Il joue dans un band de rock. C'est We Are Wolf. We Are Wolf, je pense. C'est les arrières petits-fils à James Wolfe okay. qui a battu avec mon calme, je crois. Parfait. Je dis ça vraiment sans savoir. Non, non, c'est vrai. Mais un autre 14-5 qui est tout comme les gens qui seront nés aujourd'hui, c'est Walter Matthau. Ben okay. oui. Alors, ce sont les personnalités. Mon ami Walter. Mon ami Walter. Alors, évidemment. Mais je pense que c'est un comédien américain, ce Matthau. Hein? Je crois que oui. Walter je crois Matthau. Il n'y a pas une boutique d'électronique au centre-ville, lui. Oui, oui aussi. Son frère. Son frère. Walter Matthau et l'autre, c'est Steve Matthau. Exactement. Bon, évidemment, la numérologie, c'est important. Il faut s'y baser pour savoir quoi travailler dans sa vie. Mais il ne faut pas non plus penser qu'on arrête de travailler et qu'on demande une exemption d'emploi parce qu'on vient de découvrir notre numérologie. Non. C'est-à-dire que notre travail, notre gagne-pain qui nous permet d'avoir des sous pour pouvoir payer le loyer, la nourriture, tout ça, il faut le garder ben, ou ne pas le garder, c'est à votre choix. Mais dépendamment de ce que votre chemin de vie va vous dire, si vous êtes je sais pas, par exemple, un 11-2, eh ben, vous allez avoir un double 1. Donc le double 1 est plus important. Donc vous pouvez vous fier au 1, mais toujours la vibration principale et l'addition totale de ces nombres-là. Par exemple, moi, je suis un 44. Donc, le 4 et le 0 sont mes deux vibrations. Mais le 4 est principal, même qu'il revient deux fois. Donc, le 4 est dans la stabilité. Ouais, toi, c'est vraiment 4, là. Moi, c'est le 4 à côté. À là, côté, je, là. J'ai de la difficulté à faire autrement que faire du 4 dans ma vie. Fait que tu travailles avec le 4. Oui, oui. Écoute, j'ai voulu rencontrer beaucoup de Catherine dans ma vie, puis pourtant, ça n'a pas fonctionné si bien. Pas si bien. les quatre, comme moi, ont une vision différente, par exemple, des 16-7. Okay. Et je vous invite à la maison à faire l'équation. Donc, je rappelle simplement comment faire. Vous prenez votre date d'anniversaire et on conseille de l'écrire donc en commençant par la journée, le mois et ensuite l'année. Donc, évidemment, écrire le mois en chiffres, c'est plus facile parce que c'est des numéros dans la numérologie. Ça se calcule mieux, hein? Donc, on va y aller avec, par exemple, la date d'aujourd'hui, on reprend l'exemple, 11-08-2011, et ne pas faire des barres obliques, là, tu sais, ça s'additionne mal. Ça s'additionne mal, alors on va les enlever. Ça fait même des divisés, des barres ouais, obliques, exact. Ça divise, donc on... Oh, mais là, si on divise, on n'obtient pas la même affaire pendant non, tout. C'est ça. Mais là, non, est-ce qu'on pourrait faire une nouvelle école de pensée en numérologie, en où est-ce qu'on marche tout par la division, ou au lieu de l'addition, ça pourrait être la multiplication, donc peut-être qu'on s'est trompé, là, on n'est pas dans les bonnes affaires. De toute façon, moi, je vais être bien honnête, là, tout ça, je trouve ça un peu satanique. Là. Je veux dire, moi, je verse 10% de mon revenu à l'église. Fait que, je vais pas aller croire des foleries pis des gris-gris, là. Moi, je crois dans des affaires pas mal plus sérieuses. Mais est-ce que tu verses ton 10% par ton iPhone à la même application? Oui. Ou tu... Oh, mais je fais des transferts, là, de toute façon, de nos jours. On procède tout par accéder et autres méthodes web. À l'époque, c'est des transferts de sang. Maintenant, c'est des transferts bancaires. Oui. Ouais, mais ça c'est une autre affaire, là, les transfusions de sang, ça aussi, c'est satanique, ça, ces affaires. Mais encore là, Satan lui-même a-t-il une date d'anniversaire ou une date de naissance? Car s'il en a une, nous pourrions le calculer. Là, ce que je me demande, c'est les gens. Mettons, le 6 du 6, 66, non? Le 6 du 6, 66. Satan, c'est un ange. Il n'y a pas de date d'anniversaire, c'est un ange, Satan. C'est un ange, puis il est déchu. Mais avant d'avoir été un ange, pour devenir ange, selon ce que j'en comprends, il faut avoir été vivant. Ouais. Donc, été sur Terre en tant qu'être humain. Non, les anges, ils n'ont pas d'âme. Ils ont été créés par Dieu avant de créer les hommes. Puis Dieu, il n'était pas tout à fait satisfait de son affaire. Fait qu'il les a comme laissé un peu de côté. Là. Il a dit, allez faire le ménage. Pendant ce temps-là, il m'a fait d'autres choses. Puis là, il a créé la Terre. Okay. Il a créé l'homme le sixième jour. Là. Ouais. Alors, bon. ce que tu m'expliques, c'est qu'en réalité, tous les films ou toutes les histoires où on parle que. Où les gens on va devenir un ange. On va devenir un ange. C'est des niaiseries. C'est des foleries, ça. La vérité, là, c'est que tu vas aller au paradis. T'as jamais vu le film, là, avec celle-là qui fait Plaxmol? Oui, avec Robin Williams, le film qui s'en va chercher. Il s'en va chercher sa femme en enfer parce que tout le monde sait que quand tu te suicides, tu t'en vas directement en enfer. Ça, c'est une règle d'or. Oui, il traverse les limbes, d'ailleurs, on se rappelle dans ce film. Ouais. C'est un très bon film. C'est beau. Je pense l'écouter ce soir. C'est historique, je pense. Mais juste pour savoir si je vais l'écouter ce soir, je vais devoir me fier à ma numérologie. Et pour terminer ma chronique très simplement, on a quelques... par exemple, on a un homme de Montréal, James McGilligott, très connu, qui disait « Le système but de vie m'a aidé à choisir une nouvelle carrière et à mieux communiquer mes idées aux autres. Ben. J'ai maintenant l'impression d'avoir un but clair et précis dans la vie et finalement, mes relations personnelles sont beaucoup, beaucoup plus riches et fertiles. Ben. » Alors, on imagine à quel point, même pour des Montréalais, c'est important, c'est pas si loin de nous. Non. Ça, c'est pour moi une preuve de dire à tout le monde à la maison, faites votre calcul numérologique aujourd'hui même, allez vérifier, il y a plein de sites internet

Et puis, je vais te laisser choisir le dernier, tiens. Soit un fait sur Barbie et Ken, soit un fait sur la neige à Chicago en Illinois, ou encore le plus vieil homme de Tokyo. Barbie. Barbie, bon. Ben Barbie et Ken se sont séparés en 2004 après 43 ans ensemble. Non. Hey, là, non, il faut pas dire ça à la radio. Ah, mais tu vas voir, il y a une belle fin à tout ça, contre. La vice-présidente au marketing chez Mattel, à ce moment-là, a indiqué que la séparation était à cause que Ken voulait pas se marier. Ouais. Barbie et Ken étaient inséparables depuis leur rencontre sur un plateau de télévision pour une publicité en 1961. D'accord, ils ont inventé une belle histoire autour de ça. Par contre, Barbie avait, dans le fond, la relation s'était terminée. Barbie s'était retrouvée avec un surfeur australien, Blaine, dans les poupées, dans tout ça. Heureusement, leur aventure était très courte. Ken a réussi à regagner l'affection de Barbie en 2006 se faisant un nouveau look et en allant s'entraîner. Non. Ou encore, je peux pas croire que t'es en train de nous raconter l'histoire de Barbie. Ben, c'est toi qui l'as demandé. C'est fantastique. Peu, c'est un peu toi qui as décidé ça. Je pensais pas que c'était ça. Bon, mais ça t'apprendra, hein? Ouais. Voilà. C'est tout, François. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On continue dans nos nouvelles tout à fait absurdes et inutiles. On va aller voir, les chiens qui aboient et les maîtres qui sont en prison. Donc, quatre Siciliens viennent d'être définitivement condamnés à 2 mois de prison et 500 euros d'amende chacun parce que les aboiements de leurs 10 chiens empêchaient le voisinage de dormir et qu'ils n'ont rien fait. Ben là, 10 chiens, c'est beaucoup trop aussi, là. Mais plusieurs injonctions leur avaient demandé pour calmer leurs compagnons à quatre pattes et ils n'ont toujours rien fait. Les maîtres trop laxistes étaient poursuivis par des habitants d'un quartier de la ville de Nicosia, dans la province d'Ena, excédés de ne pas fermer l'œil en raison de ce tapage nocturne. La Cour de cassation a confirmé cette semaine leur condamnation. C'est bien correct. Ben oui, naturellement. Tant mieux pour le voisinage qui va enfin pouvoir fermer dormir, l'œil. Exactement. Tantôt, je vous invitais à aller voir la vidéo de Renard Frac et de Léo Cheval. Oui. Léo Cheval, il est tellement drôle, son petit gars. C'est à voir. Je vous explique un peu c'est quoi la vidéo. Au début, on les voit, ça commence, ils se promènent en forêt, sont perdus, trouvent une cabane, décident de faire le ménage avant d'appeler à l'aide. OK. Donc, ils font le ménage quand même intéressant. Et puis, là, ils ont tout un gear pour réussir à appeler avec une vieille console, des vieux ghetto blasters et un vieux tape à bobine. OK, ils se montent un genre de système. Un setup pour pouvoir crier à l'aide. Et juste une fois, puis après, ils peuvent le faire en loop, tu comprends, parce qu'ils veulent pas crier à l'aide sans arrêt, tu sais. Comme ça. C'est quand même assez original. Ah, c'est tout à fait ma tante Frac. Donc, allez voir ça. Mais tant qu'à être rendu là pour aller voir la petite vidéo de Renard Frac et de Léo Cheval, eh bien, allez voir les 61 publicités du Super Bowl regroupées en 2 minutes. Ben oui, allez voir ça. On le sait, le Super Bowl diffuse chaque année aux États-Unis des publicités et attire en moyenne plus de 100 millions de téléspectateurs. Fort de ce constat, les annonceurs jouent du coude pour avoir la chance, bien sûr, de diffuser leurs spots publicitaires qui souvent sont refusés ou censurés, on l'a vu. Oui. Bien sûr, lors de cet événement incontournable, et ce même si le coût est exorbitant, les 30 secondes sont vendues à environ 2 millions de dollars. Les publicités sont donc courtes, efficaces et diffusées à un rythme soutenu pour un meilleur impact auprès des téléspectateurs. Donc, c'est un véritable show à lui seul. Même plusieurs personnes sont plus intéressées à écouter les publicités que le Super Bowl en tant que tel. Oui. Et c'est compréhensible parce que durant les publicités, ça brasse et il se passe quelque chose. Exactement. Mais il y a aussi le spectacle de la mi-temps. J'aimerais ça, si je peux me permettre, juste une petite parenthèse, Dani, déplorer le fait là, que cette année, au spectacle de la mi-temps, il y a eu juste un numéro de danse. Bon, c'est sûr, on sait qu'on danse sur de la musique. Mais non, il y a eu de la chanson. Mais c'est les Black Eyed Peas. Pour moi, c'est un numéro de danse. Charles-André. J'ai pas vu un guitariste sur la scène. Ben j'ai oui, pas vu... Slash était là, il a sorti du stage puis il s'est mis à jouer. Ah oui? Pour vrai. Bon, ben désolé, d'abord j'ai parlé au travers de mon chapeau. Merci de me remettre à l'ordre. Tout à fait, Slash a sorti du stage et il jouait. Parce que j'ai vu... Et, je veux dire, il s'est quand même assez joué de J'étais la tellement navré parce que j'étais plutôt content du spectacle de Prince l'année d'avant. J'étais tellement navré de voir que cette année... L'an passé, c'était pas les Who? Oui, c'était les Who. Les Who. Je parle de l'autre année d'avant, okay. C'était Prince. Seigneur, je décale un peu dans le un temps. Un peu. Mais le spectacle des Who qui était impeccable en ça, passé. C'était wow, là. C'était magnifique. Mais bon, quand j'ai vu les Black Eyed Peas rentrer en scène, je suis immédiatement allé me réfugier dans les toilettes pour me placer en position fœtale. Ben, donc, t'aurais pu voir Slash si t'aurais... Oui, naturellement. Décrovillé. Oui, exactement. Mais pour moi, ce sont deux cultures qui ne vont pas nécessairement de pair. Ben, en tout cas, ils l'ont fait et puis ça, les gens semblent avoir bien apprécié. Tant mieux pour le public américain. Donc, c'est un véritable show à lui seul, ce tunnel de publicité. Pour pouvoir les voir d'une shot, là, eh bien, on a regroupé, un internaute a regroupé plusieurs de ces pubs dans donc même 61 spots en 2 minutes. Donc, c'est assez frappant, c'est un montage rapide, seulement que des punchs. Oui, j'imagine qu'il a gardé seulement les moments les plus intenses des publicités pour faire son montage. Tout à fait, allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de con. On poursuit maintenant, il vend des sucettes au collège et on l'envoie au conseil de discipline. Mais là, on parle de sucettes de bonbons ou de sucettes de faveur? On le sait pas, on va aller voir. Les ventes de ces maxi-sucettes de 60 grammes, donc c'est des vraies sucettes, des vrais bonbons, okay. Lui aurait rapporté 28 euros de bénéfices selon le journal. Et puis lundi dernier, le collégien a été convoqué par la conseillère principale d'éducation qui lui a parlé de ce problème de friandise. Les parents du trafiquant ont été appelés le jour même par le personnel du collège. La dame nous dit que lundi après-midi, le collège l'a appelé en lui disant que son fils avait été interpellé pour trafic de sucettes et que le principal voulait la voir d'urgence. Les parents se sont alors retrouvés dans le bureau du proviseur. L'enfant a expliqué qu'il a rendu service à ses copains car il n'y avait pas de sucettes au Red Bull où ils habitaient. L'affaire n'en est pas restée là. Les parents du collégien ont reçu des lettres recommandées, les informant que ce dernier était convoqué devant le conseil de discipline le 17 février pour commerce illégal dans un établissement scolaire. Aïe, aïe, aïe, ça me fait penser à quand on achetait des pétards à mèche de façon illicite au secondaire. Le principal d'établissement prend cette affaire au sérieux et pose la question de savoir où est la limite. Il ajoute que si l'on tolère ce genre de choses, demain, ce sera autre chose. Ben, ça, c'est sûr, hein? Oui, exactement. C'est une phrase vide totalement. Ah oui, une belle coquille. En tout cas, mais moi, par exemple, il m'a attisé avec ses sucettes au Red Bull. J'aimerais goûter à ça. Moi, je bois plus de Red Bull parce que justement, soit ça j'en bois donne trop. Trop de... Ben, soit j'en bois trop, soit j'en bois pas. Puis aussi, à force de trop en boire, ça me donne des petits problèmes. Ben, anxiété un peu. Anxiété et ça fait pomper quand même le cœur. Pomper la patate un peu. Comme on dit. Mais moi, je vais aller voir sur Internet si on peut se procurer des sucettes au Red Bull. On en veut. On va mettre le lien sur la page Facebook. J'en veux. Et puis, tiens, on y va avec une petite dernière comme ça parce qu'on le sait, dans notre verre midi, on va avoir la présence de notre scout des internets. Monsieur Fitzbay. Exactement. Et puis, comme on est sous l'heure du midi, on va parler nourriture en ce moment-là. On vous invite à découvrir cette voiture qui se mange. Le lien est déjà posté sur la page Facebook du Dîner de con. Souvent, lorsqu'il est question de voiture, les gens pensent qu'à la mécanique, au moteur, à la vitesse. Mais pour d'autres, cela constitue avant tout un défi culinaire et original qui consiste à transposer l'image d'un véhicule en quelque chose de tout à fait comestible. Ainsi, en 2008, à Singapour, avait été représentée une voiture de style Formule 1 de 4,7 mètres de long, entièrement réalisée à partir de chocolat noir au lait et chocolat blanc. L'exploit avait été accompli en 44 jours. Et de son côté, en 2006, c'est l'artiste Heidi Ice qui avait réalisé un modèle unique de Hummer H1 recouvert de boules de chewing-gum. Le pain aux épices lui a servi de support à la conception d'une Ford Woody's de 1948 qui ensuite a été dévorée par des enfants lors du dernier Nouvel An. Wow, ça c'est ça, cool. C'est le fun. Ben, oui. En plus, un vieux modèle, 1948. Ben, puis en pain d'épices, ça fait une selle et gretelle pas à peu près. Là. Aux Pays-Bas, c'est un concessionnaire qui avait décidé d'attirer plus de clients dans son magasin en recouvrant une Porsche 911 Carrera de plusieurs litres de chocolat suisse. À Singapour, on retourne là-bas. En 2009, cette fois-ci, c'est une Formule 1 entièrement réalisée avec du pain qui avait été présenté et le modèle avait nécessité 15 kg de levure, 14 litres d'eau pardon, et 2 kg de sel pour la conception de 22 différents types de pain pour venir à bout de cette Formule 1. Oh my God! J'imagine qu'après ça, on a nourri des tas de personnes avec ça. J'espère qu'ils ont donné ça aux artisans de la paix de là-bas. Là. Mais sauf que du pain, ça reste pas frais longtemps. Donc, soit ça a amené, il s'est mis à sécher, là, puis on avait ça fait du bon crouton. Oui, ça fait du bon crouton, hein? Surtout qu'on sait que les Italiens font des excellents croutons et des excellentes Formule 1. Tout à fait. Et puis le crouton, hein, on peut toujours le réutiliser dans une bonne soupe à l'oignon, là, mais une vraie, là. Ouais, pas une soupe de poudre. Là. De toute façon, c'est tellement pas compliqué à faire, la soupe à l'oignon, pour vrai. Moi, chez nous, je déglace souvent les poêles après avoir fait griller des trucs. Je mets ça dans des pots, puis je me fais de la soupe. Des petits bouillons. Exactement, des petits bouillons. Puis bon, mais à ça, je rajoute des cannes de boîtes de tomates Aylmer. Bon, oui, oui, on se rappelle. Aylmer. Aussi, je rajoute beaucoup d'oignons, parce que l'oignon... Et moi, la soupe à l'oignon, faut pas qu'il y ait de tomates là-dedans. Non, mais je te parle pas d'une soupe à l'oignon. Okay. Là, je te dis juste que j'utilise le principe de la soupe à l'oignon dans mes soupes ordinaires, étant donné que, bon, je pars généralement de peu de choses pour finalement arriver à une soupe qui est... Magnifique. Magnifique, tout à fait honnête et savoureuse. Je vous en présenterai d'ailleurs la recette. Oui. Mercredi prochain, on se reprend pour le sandwich. Oui. Mercredi d'après, ça va être la soupe. Au pire, je vous fais un soupe et sandwich la semaine prochaine. Ça serait bon, ça complet. La même année, on retourne dans nos voitures mangeables. Oui. Pour les besoins d'une publicité, Skoda Fabia avait recréé en gâteau et en glaçage la voiture comestible, quand même une de leurs voitures, qui aurait coûté 800 000 $ à la conception. C'est quand même pas mal. Et qui a nécessité 180 œufs, 100 kg de farine, 100 kg de sucre, 30 kg d'amandes, ainsi qu'une incroyable quantité de chocolat. Je vous invite à aller voir les photos sur la page Facebook du Dîner de Con. Les photos sont pas là, mais le lien vers les photos est déjà posté. Sur ce, 11h44, vous avez un menu de nouvelles extraordinaire aujourd'hui. Vous êtes chanceux? Oui, exactement. Vous êtes chanceux que le monde ait tourné dans tous les sens pour vous amener ces foleries. C'est ce qui est... Et on n'a rien inventé, hein? Tout ça est arrivé pour vrai sur la planète aujourd'hui ou hier, ouais, ou dans les jours qui précèdent. De toute façon, la réalité est tellement extraordinaire que ça servirait à rien de présenter de la fiction au Dîner de Con. Tout à fait. Par contre, la pièce qu'on s'en va écouter est presque de la fiction. C'est la formation Black Tabou avec Fin Fin Fin. Tension, oreille chaste. Mais la qualité est ordinaire aussi. C'est moi qui ai la plus fine. Suis-je fine, fine, fine ou fine, fine, fine? Quelle question! Quand certains se font en empêcher, les musiques n'ont pas de la suite. Il faut saliver, je vais des disparaître. Quand on fait fonctionner, je commence à chercher. Je me suis glissé, j'ai des beaux décolletés. Une petite personne en train de se déhancher. Et quand je peux louer, c'est le mousse qui est beau. On est le parfum. Moi, je fais le mousse, la craque de ses yeux. Dans mes deux yeux, les filles d'obsession, les records en vieux. Un demi de mescaline, un cigarette, cocaïne, contre l'héroïne, parce que c'est ça qui est une. Comme une vine, c'est Richard, mes copines d'abord, fuck la margarine, je te vois la plotte, tu vois. Attendez-la, mon Dieu, ils sont bien trop vulgaires. Ben, si tu veux, ma queue, je fous les genoux à terre. Ça fait 10 ans qu'on lit, qu'on est en gangsta rap, qu'on lit chez le guitariste, qu'on boit de la Wildcat, Black Tabou, baby. La musique, la TV, des strings, des cocaïnes, des chanteurs, des galeries. Pour toutes les palpés, les fines, fines, fines. J'amène la caisse de bière, ramener la mescaline. Pour toutes les palpés, les fines, fines, fines. J'amène la caisse de bière, ramener la mescaline. Fin. Une sorte de caféine, fin, fin. Un demi de mescaline, fin, fin, fin. Un trait de cocaïne contre l'héroïne, parce que c'est ça qui est une. Une sorte de caféine, fin, fin. Un demi de mescaline, fin, fin, fin. Soyez-en, parce que c'est ça qui est in. Hein? Faut qu'elle soit fine. Eh bien oui, Black Tabou avec fine, fine, fine. Une qualité très douteuse, je m'en excuse. Mais on s'en va écouter tout de suite un petit vidéo pour les nostalgiques de Black Tabou qui lance bientôt son nouvel album. On s'en va écouter ça tout de suite. Merdeuse, peuvent se la mettre en veilleuse. Maman va me passer le tête, puis m'a collé des masseuses. Ma tête le contre-maître de toutes les petites pisseuses. J'fais comme une bêtise, j'brise des cœurs de coiffeuse. J'suis le bonhomme 7 heures, le bon 7 heures. Une bonne femme 7 heures quand ça fonce dans le tordeur. On peut pas vivre avec, on peut pas vivre sans. Ça parente à la sec, c'est contrôlant. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. S'il reste la place, j'fais la prochaine bus. Va venir faire mon tour pour mes bas instincts. En chaque aller-retour, c'est que j'vais être fin. C'est génial du Black Tabou. Oui, en effet. J'adore. En fait, j'aime beaucoup leur texte. Je trouve ça très recherché. C'est génial leur texte, sérieusement. Parce que ça rit en fait un peu de tout. D'abord d'eux-mêmes, c'est ce qui leur donne de la crédibilité. Exactement. La force de Black Tabou, c'est qu'ils rient eux-mêmes du mouvement rap. Oui, mais non seulement du mouvement rap mais auquel ils participent, mais carrément d'eux-mêmes. Pour moi, ces gars-là sont 100% crédibles. Ils peuvent se permettre de rire de n'importe qui, étant donné qu'ils ont un sens de l'humour et puis aussi... aucune retenue. Et aucune crainte du ridicule non plus. Dans le fond, je pense que c'est ça qui donne de la crédibilité à un humoriste ou parce que je les considère ou un artiste là, ouais, mais... je les considère autant comme des humoristes que comme des rappers en fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais bon, donc tenez-vous au courant, j'essaie de les communiquer depuis quelques temps pour qu'ils nous envoient parce qu'il nous manque, on aimerait les avoir assez fou, on n'a pas les albums de Black Tabou et puis je me dis où est-ce que Black Tabou peut jouer à part dans les radios comme nous. Oui, en effet. La question est là, je la pose. Quelqu'un, j'attendrai une réponse. Parce que s'il passe à la radio commerciale, ça va être une 3 minutes de censure. Ben, on va entendre des bip, bip, bip, bip, bip, tout bip, le temps, bip, tout bip, le temps, tout le temps, exactement. ou juste des coupures, tu sais, des fois, c'est juste des vides. Oh, ouais, bon, ouais. Ou des fois, ils remplacent ça par un son qui va dans la toune, comme, voyons comment il s'appelait, Blowdown Gang, avec la toune de Roof is on Fire, là. We don't need a mullet de Mother Eater, burn, burn, Mother Eater. Il l'avait censuré parce qu'il disait fucker à la base, ce qui était très vulgaire. Hey, ça, c'est grave en maudit. Ah, tout à fait. C'est comme le mot faggot aussi, on peut pas dire ça. Oui, hein, puis on a surtout pas fait passer du Dire Straits ici au Dîner de cons pour s'opposer à la censure et à l'excès de moralité. Sur ce, on y va en petit. On va rester dans le même domaine. Dans le même créneau? Oui, on va aller vers une femme qui promenait son ami nu, en laisse, dans la rue. OK, c'était un type. Je pensais qu'elle promenait son ami Je trouvais ça encore plus excitant, mais bon, celui quand même. Vas-y, poursuis, Danny. C'est mercredi, 19h, les policiers municipaux ont interpellé deux exhibitionnistes dans une rue piétonne de Carcassonne. Tiens, c'est peut-être parce qu'il avait été allumé par le kit sextoy, etc. Ah, j'imagine. Donc, une femme de 63 ans promenait en laisse son compagnon de 40 ans. OK, ben. Fait que c'est une cougar. Finalement, je trouve ça plutôt sexy. Finalement, c'est quand même assez sexy. Moi, je laisserais faire. Je vois pas pourquoi il y a un tollé à propos de ça. Ah, écoute ça. Une femme, donc, de 63 ans, promenait en laisse son compagnon de 40 ans et ce dernier était entièrement nu. Il était attaché par le sexe avec une chaînette de 70 cm. Puis il se promenait dans la rue comme ça, c'est... Ben, il faisait le chien, dans le fond. Ça devait être un jeu sexuel assez intense, là, de domination. Et... Sauf que d'un autre côté, pour aller exhiber. Ce jeu-là, faut vraiment être profondément... Sexuel. Ben, non, mais exhibitionniste, oui. Ben, mais c'est ce qu'ils viennent de dire. Parce que je veux dire, je trouve pas de mots encore plus forts qu'exhibitionniste pour décrire ça, parce que rendu là, c'est plus juste de l'exhibitionnisme, là, c'est carrément, c'est un intense spectacle sexuel. Un intense spectacle sexuel auquel j'aurais voulu assister! Ben oui, mais je veux dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ben, c'est sûr, surtout si tout le monde est consentant. Les deux individus ont été placés en garde à vue. Ben, ils devaient être contents d'être en garde à vue. Ben oui, exactement. Ils sont exhibitionnistes. Donc, pour attentat à la pudeur, pour toute explication, le couple a précisé être accro au sexe et indiqué qu'il se livrait là à un jeu. C'est ce que je me dis. Manifestement. Des nymphomanes, finalement. Ben, de quoi bien faire rire la planète, hein? Tout à fait, et puis ils font parler d'eux partout. Ils ont été remis en liberté et seront convoqués. Ben pas ils seront, ils sont convoqués déjà devant le tribunal correctionnel le 8 avril. Je pense pas, ils vont peut-être avoir une petite claque sur les fesses. C'est bien dit, mon ami. Mais une très belle nouvelle, et moi je les félicite pour ce cran. Ben oui, parce exactement. Parce que ça prend tout un cran là, pour se promener comme ça dans la rue à Carcassonne, une ville genre médiévale, et tu te promènes... J'aimerais voir. Il n'y a pas d'image, malheureusement. Sinon, je l'aurais posté. Bien sûr, sur la page Facebook du Dîner de con. Magnifique. Sinon, on va rester en Europe. On va aller voir les douaniers russes qui se prennent pour des stars du rap. Ce sont donc des douaniers russes apparus dans un clip intitulé « Les règles douanières à Vladivostok ». Le réveil risque d'être difficile pour ces douaniers de Vladivostok. En effet, ils risquent d'être suspendus de leurs fonctions. Leur faute, eh bien, ils sont apparus en uniforme dans un clip intitulé « Les règles douanières de Vladivostok ». Grimés en stars du rap avec de grosses chaînes brillantes, lunettes de soleil, énormes 4x4 et filles dénudées, ils ont récemment posté la vidéo sur YouTube pour en faire leur promotion. Le problème, c'est que tout cela n'est pas resté confidentiel bien longtemps, le clip passant en boucle, sur des chaînes d'informations russes. Mais en tout cas, ça a marché, ils vont se faire connaître. Moi, je pense qu'ils peuvent lâcher le job de douanier puis devenir des vrais rappers. Sauf que d'un autre côté, il y a un moment donné où est-ce que tu es obligé, justement, si tu veux avoir une carrière artistique, de faire le saut de ton day job jusqu'à exactement. Ta carrière artistique. Et là, je pense que là, ils ont la... Je pense que c'est le tremplin. C'est le tremplin. Donc, Ulcéré, la direction des douanes russes, basée à Moscou, promet des sanctions sévères jusqu'au limonage des fautifs, selon les mots, bien sûr, du porte-parole Vladimir Zoublov de l'agence Interfax. Alors, découvrez ces douaniers russes qui rappe en vidéo sur la page Facebook du Dîner de con dans quelques instants, parce que celui-là, j'ai pas eu le temps de le poster, mais bon... Ça ne saurait attendre. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Avec Dame Nature, d'ailleurs, qui est présente maintenant. Ah, on l'appelle comme ça maintenant? Ben, je trouvais ça intéressant. Oui. Tu pourrais jouer un rôle, tu pourrais te déguiser en Dame Nature. Arriver à chaque matin avec des feuilles puis des fleurs. À la radio, ça va être grandiose. Ah oui. On accueille donc Dame Nature elle-même, Émilie Gauthier. Voici « Veux-tu sortir avec moi? » Bonjour! Mais là, j'y repense, Dame Nature. Il me semble que des fois, on se lève le matin pour faire « Ah, maudite Dame Nature! » Ah! Ça fait peut-être pas, peut-être pas. Mais des fois, on se lève, par exemple, on dit « Mon Dieu, es-tu génial, Dame Nature? Il fait beau! Ouais. » Fait que je vais l'être juste les matins où est-ce qu'on est content de l'être. OK, on fera un sondage chaque fois, puis on demandera au public s'ils sont d'accord ou pas. Genre. Ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, tu nous parles bien sûr de plein air comme à chaque semaine, mais là, tu as deux sujets. Tu vas nous parler tout à l'heure du défi nordique en grand détail pour donner un avant-goût. Mais on débute avec le parc national de la Mauricie. Oui, ben le défi nordique se situe dans le parc national de la Mauricie. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler un petit peu aujourd'hui. Quel incroyable lien. Quel incroyable lien, je sais. Le parc national de la Mauricie, pour ceux qui écoutent mes chroniques depuis le début, savent probablement que c'est mon coup de cœur. C'est pas très loin, là, on... 30-40 minutes de l'université, donc je pense que côté distance, ça vaut la peine, c'est pas trop dispendieux, c'est vraiment un coup de cœur. C'est quand même une superficie de 536 km², donc on a de l'espace en masse. C'est un paysage avec des collines, des rivières, des cascades, des lacs, des montées, des points de vue, des descentes. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 34 km de sentier pour les marcheurs et les raquetteurs, puis il y a du hors-piste sur une portion du territoire pour les raquetteurs. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai décidé que raquetteur, ça se disait. Bon.

puis une coquille qui va servir de coupe-vin imperméable. Ça, je pourrais peut-être faire à un moment donné quelque chose là-dessus. Fait que dans le fond, je pense que le défi nordique, c'est un événement qui est quand même à ne pas manquer pour ceux qui aiment la raquette puis ce qu'ils te font, autant en tant que participant que juste visiteur. Le mardi suivant l'événement, le 8 mars, je vais essayer de faire un petit topo là-dessus, là, puis je vais essayer d'enregistrer Alex qui parle dans un micro, je sais pas trop. Là. Tu vas tout faire. Le pire, c'est que j'ai même pas vu de photo de lui, je sais même pas de quoi il a l'air. Bon, Colin. Bon, tu viens de défaire la blague, là, par exemple. Mais je sais. T'sais? Non, mais tu sais, c'est un athlète olympique, là, ça doit être... Peut-être quelque chose. Quand ils sont athlètes olympiques, d'habitude, ils sont pas si pires que ça, c'est ce que tu veux dire. Je pense que tu pourrais l'aimer. Ouais. OK, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. Fait que sinon, le site, vous pouvez vous juste taper Défi Nordique Shawinigan sur Google, puis ça va vous sortir toutes les informations que vous voulez avoir. Parfait. Merci beaucoup, Émilie Gauthier. Ça me fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h, pour une autre chronique. Oui. Veux-tu sortir avec moi? OK. C'est le nom de la chronique. Ah, OK. C'est bon. On se comprend là-dessus. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. OK, plan, caméra, 4. Le segment de cuisse de Charles André. Salut, segment de cuisse. Bonjour, Danny. Ça va? Ça va magnifiquement bien. Bon, un peu grippé, ça explique mon timbre de voix un peu particulier, mais le moral est là et je vous ai amené des choses particulièrement intéressantes aujourd'hui. En fait, je suis très enthousiaste à l'idée de ce que je vais vous présenter parce qu'on sait qu'à chaque mardi, je nous amène un film qui traite de la culture rock et moi, la culture rock, ça me fait vibrer, mon Danny. Et là, aujourd'hui, je vous ai amené mon film préféré. Ton film culte. Mon film culte, tout à fait. Culte est encore mieux choisi, Danny. En fait, je vous ai amené aujourd'hui le célèbre film Tenacious D and the Pick of Destiny. Oh, qu'on entend parler de ce film-là tout le temps avec Charles-André. Oui, rien de moins. Et pourtant, un film qui a reçu un accueil plutôt froid, je dirais. Ben, c'était pas un succès commercial, mettons. Non, loin d'être un succès commercial. Je pense que même les membres de Tenacious D, respectivement, Jack Black et Kyle Gass, ont été très déçus du succès de l'accueil qu'a reçu le film. Ils ont même songé à mettre un terme à Tenacious D suite à ça. S'ils savaient à quel point j'adore ce film-là, je pense qu'ils ils reverraient leur façon de penser. oui, tout à fait. Et puis, écris-leur, Charles-André. D'un autre côté, la trame sonore du film s'est très bien positionnée, atteignant la 8e position sur les charts. Et le single de Metal, qui est une pièce de Tenacious D qu'on trouve dans le générique de fermeture du film, a atteint la première position des charts tout de même. Donc, Tenacious D, qui ont même fait le spectacle d'ouverture de Metallica récemment. Donc, quand même, puis ils parlent en ce moment d'un troisième album. Là. Il semblerait qu'ils prévoient un troisième opus qui contiendrait 12 ou 13 chansons, mais malheureusement, ils affirment en avoir seulement qu'une et demie décrites. OK. Mais donc, on leur souhaite le meilleur des résultats dans cette nouvelle entreprise. Mais sinon, pour parler plus spécifiquement de leur film Tenacious D in the Pick of Destiny, en fait, c'est un film américain réalisé par Liam Lynch et sorti en 2006. JB, autrement dit Jack Black, n'a pas de chance et passionné de rock, il vit à Kickapoo, dans le Missouri, dans une famille on ne peut plus religieuse qui pense que le rock and roll est l'œuvre de Satan. Et quoi, c'est pas ça? Ben non, malheureusement, Satan est une invention de l'être humain pour faire peur aux autres êtres humains et ainsi réussir à récupérer 10% de leurs revenus en échange d'une possibilité d'aller au ciel. Mais bon, on n'est pas ici pour s'étendre sur la crosse de l'Église catholique. On va donc continuer. Après que son père lui a donné une bonne raclée et arraché les posters de ses idoles comme AC/DC ou The Who, le jeune JB adresse une prière à Dio qui lui répond qu'il doit quitter la maison familiale pour aller à Hollywood, la cité des anges déchu où la mer rencontre le sable pour former un groupe, vaincre ses propres démons et apprendre les secrets du rock and roll. Et c'est très amusant, c'est fait en chanson et c'est la dernière performance originale de Dio avant son décès. Et je veux dire, une performance solide comme le rock, je peux pas croire qu'une personne de cet âge-là arrive à chanter avec autant de tripes. C'est véritablement intéressant et c'est d'ailleurs l'extrait que j'ai amené aujourd'hui qu'on entendra plus tard, donc vous aurez la chance de l'entendre. Et donc, suite à un long voyage à travers les États-Unis, rappelons qu'il existe plusieurs Hollywood aux États-Unis, peut-être une vingtaine de villes se nomment Hollywood, donc au début, il est un peu perdu. JB arrive à Hollywood, en Californie, où il rencontre un guitariste qu'il compare aussitôt à Dieu, nommé Kyle Gass, qui sera surnommé tout au long du film KG. Et donc, le premier contact n'est pas une franche réussite, mais suite à une agression de JB dans la rue par une bande qui rappelle celle d'Alex dans Orange Mécanique, et le lien parodique est assez bien réussi. Kyle Gass, qui lui fait croire qu'il est un musicien connu, consent à lui enseigner la voix du rock. Mais cependant, JB découvrira que Kyle n'est pas vraiment la célébrité qu'il prétendait être, et tous les deux formeront le groupe qu'ils appelleront Tenacious D, d'après les taches de naissance que tous deux portent sur les fesses. En fait, je veux dire, Jack Black a Tenac sur la fesse droite et Kyle Gass a Shusdy. Et quand ils collent leurs fesses ensemble, ça fait Tenacious D. Et puis, dans le film Tenacious D and the Pick of Destiny, ils expliquent leur choix de nom de groupe de cette façon-là. Mais moi, je connais la véritable anecdote. Tous les deux sont amateurs de basketball. Et bon, ils écoutent un commentateur de basketball américain assez populaire aux États-Unis qui parle souvent de défensive tenace. Et à force de parler de Tenacious Defense, les gars ont été inspirés par ce nom-là. Et c'est au cours d'un concert live qu'ils ont fait la proposition publique et ils ont laisser le public choisir entre différents noms, mais c'est à l'unanimité, que Tenacious D a été choisi à cause de son originalité, entre autres. Et sinon, pour parler du film en tant que tel, bon, c'est dommage, c'est vraiment malheureux que ça a été mal reçu par la critique. En même temps, je comprends les journalistes. La plupart n'ont pas été creusés assez loin et ils ont vu qu'un film d'adolescent stupide ou carrément débile. Alors que, au contraire, c'est une grande histoire d'amitié. C'est une histoire qui est épique. Je veux dire, ça met en scène le rock and roll comme aucun autre film. Donc, n'importe qui va être amateur de Jack Black ou de rock and roll ou carrément de cinéma amusant va trouver ce film-là tout simplement délectable et aussi très touchant. Donc, moi, personnellement, ce film-là est venu me chercher beaucoup plus que n'importe quel autre grand classique du cinéma hollywoodien qui se veut, là, un film à grand déploiement et à grand larmoiement, là. Je veux dire, c'est un film sans prétention et c'est justement de par le fait que c'est peu prétentieux que ça arrive à atteindre les plus hautes sphères de l'émotivité cinématographique. Mais Jack Black avait réussi quand même avec l'école du rock, ça avait très bien fonctionné par contre. Ben, moi, ça m'avait vendu Jack Black, d'ailleurs, l'école du rock, et c'est probablement un des films que je vous présenterai plus tard. Et puis c'est un peu le même, ben, je te dis pas que c'est la même histoire, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est un peu encore l'amour du rock. Là. Exactement. De toute façon, Jack Black, en tant que tel, est amoureux du rock'n'roll, et il utilise toutes les tribunes, justement, pour faire passer son message, et c'est un message qui passe assez bien. Et comme tu disais, dans l'école du rock, c'était magnifiquement bien réussi aussi. Ben, tu sais, pour toute la famille, en plus, autant les enfants que les parents pouvaient aimer ce film-là. Tout à fait, tandis que Tenacious D and the Pick of Destiny, il y a des références assez directes à la consommation de drogue ou à des choses un peu moins reluisantes. On sait que ça fait partie du quotidien des rockers des fois, mais néanmoins, ça rajoute du charme au film. Donc, c'est peut-être un peu moins grand public, je le suggère aux 13 ans et plus. Mais... Moi, j'avais connu Jack Black avec Hi-Fi, Haute Fidélité. Oui. Là-dedans, moi, je trouve que c'est là-dedans qu'il est le meilleur, mais il était pas assez en vedette. Il était vraiment comme... side, là, tu sais, il était vraiment... Mais est-ce que c'est le film où est-ce qu'il efface une cassette par mégarde, puis là, il faut qu'il refasse un remake non, de Ghostbusters? Hi-Fi, c'est avec John Cusack. OK, c'est un plus vieux film. C'est un vieux film, quand même, et puis là-dedans, c'est ça, il est commis dans un magasin de vinyle, finalement. OK. Et puis, il trippe sur tout, puis ils se font des cassettes, des mix, finalement. Okay. Et puis, c'est tout... Dans le fond, c'est un peu... Le film de Hi-Fi, c'est à peu près ça, c'est... moment, une compilation, c'est aussi hot qu'un album juste par le choix des pièces que tu vas mettre ensemble. Puis, OK. En tout cas, ça faisait vraiment aimer la musique. Et puis là-dedans aussi, il y avait un groupe, Jack Black, qui faisait une prestation musicale à un moment donné. Dans Oui, je te le conseille. Ben, ça me donne envie de l'écouter. Et puis, il était jeune. C'est vraiment, je pense que c'est un des premiers films où il a joué aux côtés de vedettes, mettons, mais comme Jack John Black Cusack. A toujours quand même fait de la musique au début, avant même le début de sa carrière cinématographique à Hollywood. Son duo avec Kyle Gass, Tenacious D, existait déjà. Et ça a commencé un peu comme du stand-up comique musical. Je comparerais ça à Cheech et Chong. Ouais, Cheech et Chong, mais Cheech et Chong a quand même crevé l'écran drette en partant. Non, mais au début, il faisait aussi des prestations musicales et puis des shows. Mais je sais que Cheech et Chong, c'est assez rock, merci aussi. C'est très rock. En ce moment, je suis en train de me visionner l'intégralité de leur film. Je vous arriverai avec ça un certain mardi durant la session. Mais sinon, Tenacious D et Jack Black, deux choses indissociables. Et Jack Black et la musique aussi, deux choses indissociables. Donc, Tenacious D and the Pick of Destiny, un magnifique chef-d'œuvre, un incontournable. Je dirais que c'est un film culte en matière de rock and roll, mon Danny. Donc, tu veux écouter ton extrait? Oui, on pourrait y aller avec l'extrait. Je vous avais parlé de la pièce Kickapoo. Kickapoo, qui est une ville du Missouri où réside JB dans l'histoire. On va aller écouter ça avec l'intervention très appréciée de Dio. On écoute ça. Vous êtes dans le dîner de cons jusqu'à 13h. Fucking time ago in a town called Kickapoo, there lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a licing, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Shout in the party zone. Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome brand. Define your fame and fortune. Through the valley you must walk. We'll be right back.

Pro! Il fallait, désolé. Alors, c'était Talib Kweli avec Oh Oh de son plus récent album Gutter Rainbows. C'était ma passe hip-hop. Oui. La session. Ta passe hip-hop de la session. Ouais. C'est bon. C'était pas désagréable. Non, c'est non, ça, c'était bien. Pas... C'était à peine considéré comme du hip-hop. Je trouve, là, ça, c'était bien trop bon. Je peux pas. Bon, Mathieu. Donc, c'est ce qui conclut. Hein. Oui, ça fait déjà trois chansons. Que je fais découvrir. Le temps passe vite et la musique est bonne. Ah, Mathieu, comme tu es... Malade. Aimable. Aimable, excuse-moi. Aimable. Les syllabes de... Ouais. Donc, on te retrouve la semaine prochaine, mercredi à 8h, pour une autre chronique. Télécharge quoi, Maxime Lemieux-Laramé? Oui, mercredi prochain. Mercredi prochain. Il sonnait comme Émilie quand il a dit ça. Oui. Oui. Mercredi prochain. Mercredi prochain. C'est vrai? J'essaie d'imiter. À chaque semaine, j'ai imité un autre chroniqueur. Ah ouais? Wow, cool. Ouais. C'est génial, ça. Ouais, bon, ben, à la semaine prochaine. Merci, Maxime. Bye. Bye, bye vaisseau. Bye. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est ça ici. Ah! Oh. Maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Et oui, vous êtes dans mon segment de cuisse. Je dirais même plus, vous êtes sous mon contrôle. Vous êtes sur ses cuisses. Exactement. Et j'espère que ça vous réchauffe. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai amené quelque chose de bon pour l'esprit, quelque chose de bon pour votre cerveau. En fait, on me voit pas souvent le jeudi. C'est que généralement, le jeudi, je suis occupé à être attaqué par un serpent géant que je combats dans une arène de gladiateurs. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis libéré des jeux de Monsieur César pour venir vous présenter un extrait d'un livre de Bernard Werber. Il s'agit de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Excellent petit livre. Excellent petit livre. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de commencer par le commencement. Hein, on va tourner les premières pages. Hein? Ben oui, exactement. Et donc, comme ça, vous serez bien avertis de ce que ce livre contient. Avant-propos. Le livre que vous tenez entre vos mains est une expérience. Il contient des informations que vous ne trouverez pas ailleurs, des informations dans des domaines aussi étranges ou complémentaires que les grandes énigmes du passé, les casse-têtes mathématiques, les recettes de cuisine étranges, les paradoxes de la physique quantique, des anecdotes inconnues de l'histoire de l'humanité ou des blagues philosophiques. Ici, l'hypnose, l'alchimie, le chamanisme ou la cabale côtoient la sociologie, la biologie ou l'archéologie. Ici, on découvre comment rêvent les dauphins et comment est né l'univers, comment les Chinois ont rencontré les Occidentaux et comment se prépare l'hydromel, boisson des fourmis et des dieux. Le seul point commun de tous ces petits textes est de faire pétiller l'esprit et d'éveiller la curiosité sur des territoires inconnus. C'est magnifique. Magnifique préambule qui décrit extrêmement bien qu'est-ce qu'est l'Encyclopédie du savoir relatif. Est-ce que tu as déjà goûté aux recettes extraordinaires? Oui, en fait, c'est dans ce livre-là, là, honnêtement, Danny, que j'ai appris à faire de l'aioli, de la mayonnaise maison. Puis depuis ce temps-là, je ne jure que par ça. Et puis la recette de mayonnaise est très simple, mais quand tu le sais pas... Tu le sais pas. Tu le sais pas, exactement. Et c'est un des intérêts du livre. Ça t'apprend plein de choses que tu veux savoir, mais que tu sais pas que tu veux savoir. C'est ça qui est magnifique. Et donc, résumé des épisodes précédents. Tout est un de Abraham. Tout est amour de Jésus-Christ. Tout est sexuel de Sigmund Freud. Tout est économique de Karl Marx. Tout est relatif de Albert Einstein. Et ensuite, nous demande-t-on. Et j'aime bien ce petit ton-là de Bernard Werber qui est toujours, comment je pourrais dire ça? Qui... En questionnement. Exactement, mais surtout qui encourage le questionnement chez le lecteur. Oui, oui. Donc, encourage à la curiosité. Oui, tout à fait. Et c'est une de ses grandes qualités. Et donc, sinon, je vais poursuivre avec le premier article du livre. Ensuite, on pourra enchaîner sur ma chronique du rock alphabétique, étant donné qu'on est un peu serré dans le temps. Vous qui tournez cette page, prenez conscience que vous frottez en un point votre index contre la cellulose du papier. De ce contact naît un échauffement infime. un échauffement toutefois bien réel. Rapporté dans l'infiniment petit, cet échauffement provoque le saut d'un électron qui quitte son atome et vient ensuite percuter une autre particule. Mais cette particule est en fait relativement immense, si bien que le choc avec l'électron constitue pour elle un véritable bouleversement. Avant, elle était inerte, vide, froide. À cause de votre saut de page, la voici en crise. Par ce geste, vous avez provoqué quelque chose dont vous ne connaîtrez jamais toutes les conséquences. Une explosion dans l'infiniment petit. Des fragments de matière expulsés, de l'énergie diffusée. Des micro-ondes sont peut-être nés, des gens y vivent, et ces êtres vont découvrir la métallurgie, la cuisine à la vapeur et les voyages stellaires. Ils pourront même se révéler plus intelligents que nous, et ils n'auraient jamais existé si vous n'aviez pas eu ce livre entre les mains, si votre doigt n'avait pas provoqué un échauffement précisément en cet endroit du papier. Parallèlement, notre univers trouve sûrement sa place lui aussi dans un coin de page d'un livre gigantissime, une semelle de chaussures ou la mousse d'une canette de bière que quelque autre civilisation géante. Notre génération n'aura sans doute jamais les moyens de vérifier entre quel infiniment petit et quel infiniment grand nous nous trouvons. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a bien longtemps dans notre univers, ou en tout cas la particule qui contient notre univers, était vide, froide, noire, immobile. Et puis quelqu'un ou quelque chose a provoqué la crise. On a tourné la page, on a marché sur une pierre, on a raclé la mousse d'une canette de bière. Toujours est-il qu'il y a eu un réveil. Chez nous, on le sait, ça a été une gigantesque explosion. On l'a nommé Big Bang. Imaginez donc ce vaste espace de silence soudain, réveillé par une déflagration titanesque. Pourquoi a-t-on tourné la page là-haut? Pourquoi a-t-on raclé la mousse de bière? Pour que tout évolue et survienne à cette seconde-ci où vous, lecteur précis, en fait je dirais auditeur dans le cas présent, lisez ce livre précis dans cet endroit précis où vous vous trouvez. Et peut-être à chaque fois que vous tournez une page de ce livre, un nouvel univers se crée quelque part dans l'infiniment petit. Appréciez votre immense pouvoir. Wow! Excellent, excellent préambule. Oui, exactement. Et donc, ça fait un peu à la fois très philosophique, métaphysique et à la fois très concret, étant donné qu'on fait on fait un lien direct avec la réalité du lecteur qui est en train de manipuler le livre. Et c'est là tout le génie de Bernard Weber. Hyper-réalisme. Et exactement, hyper-réalisme. J'aime beaucoup le terme... Oui, ça décrit bien sa philosophie. Et il faut savoir que Bernard Weber n'en est pas à ses premières armes. Il est né le 18 septembre 1961 à Toulouse. C'est un écrivain français de science-fiction, connu notamment pour son excellente trilogie des fourmis. J'ai pas lu la trilogie au complet, j'ai lu les deux premiers de la trilogie. Je dirais que le troisième ne saurait attendre, mais en général, c'est indispensable de lire au moins le premier. Je vous le suggère aussi, au moins autant que cette encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ben merci Charles-André. Ça me fait grand plaisir. Et là, on va continuer avec la chronique du rock alphabétique. Oui. On va aller écouter une pièce de Peter Frampton. On s'en reparle tout de suite après. La plage numéro... 1 sur l'album que j'ai amené ici, qui se trouve à être une compilation, malheureusement. Parfait, donc on va écouter ça, justement, du Peter Frampton. Et puis, au retour, ben, on va avoir quelques minutes pour en parler et peut-être quelques petites nouvelles. Mais bon, il faut se presser. On est pressé par le temps parce qu'on a eu tellement de belles discussions que c'est comme ça. Tout à fait. Vous êtes dans le Dîner de cons jusqu'à 13h.

Donc, François, le joueur prend son bois 1 pour pousser le beignet. L'homme en zeb, là, il vient de crier quelque chose au gars avec le chandail blanc. Tu sais, le joueur, là, tu sais, le numéro, là, tu sais, là, le chiffre. Non. Tu trouves pas que les pubs sur les murs faites pas avec les couleurs de l'aréna? À part de ça, je me suis toujours demandé comment ils font pour mettre un logo en dessous là, de tout ça. C'est l'eau, là, le tapis. En tout cas, donc, à quatrième manche, on se demande qui est le prochain au bâton, François? Écoute, Mathieu, c'est quand complet, les jeux sont faits, rien ne va plus. OK, donc là, François, je pense que c'est ça, là, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on appelle un grand écart combiné d'un périlleux arrière et d'un triple axel. L'atterrissage était, ma foi, magnifique! Il vient d'accomplir une roulade avant-groupée, là. Quelle grâce! Moi, je trouve pas que les buffets avec le logo de la squad adverse, ça fait très 2010. On sait qu'il joue avec des patins à roulettes modifiés là, pour pas avoir de roulettes. Hein? Hey, le gars dans l'estrade, là, en avant de nous autres, il mange quelque chose qui a l'air bon. Là. Mais moi, j'aurais mis ça avec oignon chou. Là. Hey, Mathieu, la lumière derrière le but, c'est pour indiquer aux joueurs où scorer. On est rendu à 2 du 3e set, 9e manche du 3e set, en fait. On sait qu'il y a 9 manches en tout, donc là, c'est le 3e du, la 9e manche du 3e set de la game, du match. Parti! Tout à fait, Mathieu. On voit que le joueur d'Areco s'est emparé du ballon. Exactement, il faut, puis il vient de pénétrer la zone de 2 points. Donc, il aura droit, et oui, à son beauté de placement. Justement, pour analyser ce qui vient de se passer, on a parlé avec le juge du quart de ce soir, notre analyste du nom quelconque. Alors, considérant la dégradation des mœurs induites, il serait intéressant d'étudier toutes les solutions envisageables. En ce qui concerne l'impasse conjoncturelle de l'équipe, on doit d'imaginer l'ensemble des problématiques déjà en leur possession. C'est tangentiellement à une culture ascensionnelle, une ambition s'impose. L'équipe devra revitaliser avec les émergences rentables. C'était descriptif et parfaitement compréhensible. Retournons à notre programmation habituelle, c'est-à-dire, bien évidemment, la sécheuse. Ah là là! Donc, c'est ce que ça aurait pu donner avec nos amis de l'assemblage requis. Je préfère de loin ça, je dois le mentionner. J'ai trouvé ça très amusant. J'avoue que si eux font des descriptions de match, je l'écoute, c'est sûr. Exactement. Ben, en fait, je pense que la description est même plus intéressante que le match dans ces situations-là. Je pense que oui. Et même, je nous écoute comme ça, puis on aurait pu le faire, nous aussi, je pense. On aurait été aussi précis, finalement. Si l'Internet a donné naissance à une industrie représentant des milliards de dollars qui fabrique des codes, les protège et les attaque, les cryptologues ne sont toujours pas des tout-puissants. Il existe de très vieux codes qui sont aujourd'hui encore, avec la toute-puissance informatique, encore incapables de les forcer, ces codes. Et le quotidien britannique The Telegraph dresse une liste des 10 codes qui n'ont jamais encore été inviolés par n'importe quel hacker, n'importe quel pirate. Donc, on y va avec ça. En numéro 1, eh bien, c'est le disque de Festos. Il s'agit d'un disque d'argile cuite découvert en 1908 sur le site archéologique de Festos en Crète. Il date possiblement de l'âge du bronze minoen du deuxième millénaire, donc avant Jésus-Christ. Et son diamètre est d'environ 16 cm et il est couvert sur ses deux faces d'hiéroglyphes imprimés à l'aide de poinçons. En tout, ce sont 241 signes, dont 45 différents. Qui recouvre le disque en formant une spirale partant de l'extérieur vers le centre de l'objet. Une seule poignée de signes ont à date alors été déchiffrés. On ne sait toujours pas qu'est-ce que ça signifie. En numéro 2, eh bien, l'écriture linéaire A. Encore une fois, le mystère nous vient de la Grèce et le linéaire A est une écriture qui fut utilisée dans la Crète ancienne. Cette écriture était composée de 85 signes et 10 d'idéogrammes. On suppose qu'il a été transcrit dans le langage des Minoens. Et puis, c'est une autre écriture de la même époque, le linéaire B, qui a été, elle, déchiffrée, mais pas encore le linéaire A. Il y a en troisième position la statue Kryptos de la CIA. Il s'agit d'une sculpture créée par Jim Sanborn, exposée à Langley, en Virginie, dans l'enceinte du quartier général de la CIA. Depuis son inauguration en 1990, ce monument est l'objet de nombreuses discussions quant aux messages chiffrés dont il est recouvert. À ce jour, ces messages n'ont été que partiellement déchiffrés. En quatrième position, eh bien, ce sont les lingots d'or du général Wang. En 1933, 7 lingots d'or ont été fabriqués par le général Wang à Shanghai. Et ils sont recouverts d'une écriture manuscrite et de cryptogrammes qui seraient la clé pour accéder à des dépôts effectués dans une banque américaine pour une somme de plus de 300 millions de dollars, mais qui sont toujours indéchiffrables. En cinq positions, le chiffre de Bale. Ce code mystérieux se trouve sur 3 messages qui donneraient accès à 2 wagons enterrés contenant des tonnes et des tonnes d'argent et d'or. Sinon, en 6e position, le manuscrit de Voynich. Il s'agit d'un livre ancien écrit à l'aide d'un alphabet inconnu. Selon les estimations les plus couramment admises, il aurait été écrit entre 1450 et 1520. Mais on ne sait toujours pas qu'est-ce que ça signifie. Il y a le chiffre de Dorebella, qui est le nom donné au chiffre utilisé par le compositeur Edouard Elgar dans une lettre adressée à une de ses connaissances, Miss Dora Penny. Ce message n'a jamais été décrypté. En 8e position, le chaos cipher, le chiffre du chaos, a été inventé par John F. Byrne en 1908, qui pendant 40 ans a tenté ensuite de convaincre le gouvernement américain de l'adopter pour ses communications secrètes. Il a lancé un défi à quiconque parviendrait à le briser et personne n'a encore jamais été capable de le déchiffrer. En 9e position, eh bien, le chiffre d'Agapeyev, un message chiffré proposé en 1939 par le cartographe anglais d'origine russe Alexander Agapeyev dans une première édition des Codes and Cipher, un ouvrage de cryptographie élémentaire. Proposé à la fin du livre comme un défi au lecteur, ce chiffre n'a pas encore été inclus dans les éditions ultérieures de l'ouvrage et aucune tentative de déchiffrement n'a jamais réussi. Et puis en dernière position, le code de l'homme de Somerton. Le corps non identifié d'un homme a été découvert en 1948 sur une plage, la plage de Somerton d'Adélaïde en Australie. Il portait un manteau et un pull, lors d'une chaude journée et n'avait sur lui aucun moyen d'identification. Une valise trouvée à la gare d'Adélaïde, qui aurait peut-être appartenu à l'homme, comprenait dans la poche cachée d'un vêtement un morceau de papier venant d'un livre déchiffré trouvé dans une voiture abandonnée. 5 lignes de texte en lettres capitales étaient manuscrites sur ce livre et semblent être un code. Il n'a jamais aussi été déchiffré. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.